Eh bien bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celluloid, le 10e d'ailleurs. Voilà. Et donc pour cette nouvelle émission, alors on va parler de pas mal de choses. On va commencer d'abord par les news, on va revenir sur la saison des palmarès, puisque c'est en ce moment qu'on décerne les récompenses pour l'année 2013, donc l'animation n'étant pas en reste, elle a aussi le droit à ses récompenses. On reviendra sur le mois de février sur les critiques, puisqu'on a eu beaucoup de films d'animation qui sont sortis au mois de février, Vacances oblige notamment, entre le Disney, le Ghibli, le Bob l'éponge évidemment, qui nous a marqué à sa façon, on va dire. Voilà, et on en reparlera un peu plus tard. Bien évidemment, après on aura la chronique de Chronos, sur comment on fait un film d'animation. Tu nous parleras de quoi du coup, Chronos, hein? D'animation et de setup. Ouh, joli programme en perspective. Et notre dossier du mois, le dossier pour ce 10e épisode, ce sera sur Katsuhiro Otomo. Donc évidemment, l'auteur d'Akira notamment, qui a travaillé sur de nombreux projets dans l'animation. Et ce dossier nous permettra de revenir sur ce pan de son œuvre à lui. On terminera évidemment par la rubrique du cours d'après sur un court-métrage qui nous a marqué. Et ce sera tout pour cette émission de Celluloid, numéro 10. Ce qui nous laisse quand même un joli programme en perspective. Alors évidemment, je ne suis pas seul, puisqu'en plus, je l'ai fait intervenir tout à l'heure, sans lui dire bonjour. Donc bonjour Chronos. Comment vas-tu avec cette connexion en carton? Ma connexion... Bon, c'est une très très bonne connexion, ça va bien se passer. je n'en doute pas une seule seconde. Évidemment, vous l'avez entendu rire. Bonsoir Tontoun. Toujours. Bonsoir. Bah voilà, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va bien. J'ai vu plein de bons films. Voilà, c'est ce qu'il faut dire surtout. Plein de choses très très bien, très très bonnes au cinéma. Et donc on va en reparler tous ensemble très rapidement. Et on va commencer d'ailleurs par les news. Donc les news, alors Tuntun, tu voulais notamment évoquer toi le palmarès des différentes récompenses qui ont eu lieu sur le début de l'année. Ouais, il y a eu du coup c'était la saison des remises de récompenses, des awards qui se sont déroulées tout le mois de janvier et le mois de février avec sur les le dernier la dernière semaine là. Les Césars et les Oscars. Et du coup, au niveau de ces récompenses, donc on va parler très rapidement parce que, enfin, moi, j'ai pas été emballé par les principales récompenses. Donc, on peut du côté français, il y a eu les Césars avec la récompense de pour Minuscule. En meilleur film d'animation et enfin meilleur long métrage d'animation. Et les petits cailloux de Chloé Maslow en récompense du meilleur court métrage d'animation. Les petits cailloux, j'en parlerai pas parce que je l'ai pas vu. À part le fait que ça soit du stop motion et que je trouve qu'on voit de plus en plus de stop motion. Et ça c'est cool. Et c'est plutôt cool. Et après je parlerai très rapidement de Minuscule qui pour moi est un film et qui enfin il y avait Le Chant de la Mer et Jack et la mécanique du cœur qui étaient nommés avec Minuscule. Donc moi très clairement je l'aurais donné au Chant de la Mer parce que je le trouve très largement au-dessus de Minuscule. Alors on peut expliquer quand même, Le Chant de la Mer fait partie du palmarès, fait partie en fait de la sélection des Césars, parce qu'en fait, même si le réalisateur est irlandais, Tom Moore, le film est coproduit par la France. Voilà. Ouais. Il est coproduit en France, et donc voilà, il était nommé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il n'y avait pas Astérix, et alors ça, c'est totalement incompréhensible. Surtout quand on voit que Jack et la mécanique du cœur est nommé, alors qu'il est... Astérix est un milliard de fois mieux. Et en plus, donc les producteurs de minuscule au moment des remerciements quand ils ont récupéré leur César. Ils ont eu la bonne idée d'annoncer le deuxième épisode de Minuscule, enfin le deuxième film de Minuscule, parce qu'il y a la série aussi, et d'annoncer en même temps de lancer un financement participatif pour compléter le financement de Minuscule. Ce qui est plutôt moyen en plus. Ce que je trouve absolument, enfin, déjà c'est pas le moment de le faire, puisque les Césars, remporter un César. Très certainement, ça amène des investisseurs. En plus, Minuscule a été un énorme, enfin, a été un carton. Il a fait 1,5 million d'entrées en France, 3 millions 5 ou 4 millions dans le monde. Les produits dérivés se vendent par tonnes Parce partout. que Le, ouais, vas-y. non, je veux dire, c'est la série notamment qui a apporté cette notoriété au film, en fait. Il y a la série qui marche très bien auprès des tout petits et du coup il y a plein de produits dérivés qui se vendent. Je pense notamment à il y a un jeu de société qui est sorti cette année et qui a fait des très très bonnes ventes. Donc, vraiment je comprends pas. En plus le financement est vraiment élevé. Il est à hauteur de 100 000 euros sur Ulule. Je trouve ça vraiment C'est déplacé en énorme. fait. Et C'est. ouais, je trouve ça déplacé. Après, ils font ce qu'ils veulent. Si les gens suivent, c'est qu'ils ont raison de le Tout faire. à fait. Bah, A priori, là, c'est ah, peut-être est-ce qu'ils parti ont. pour qu'ils suivent. Ils ont peut-être pas vu trop grand, justement. Peut-être le deuxième plus ambitieux. Je sais pas. Dans la description du financement, ils disent que, en gros, ils ont le scénario, enfin, ils ont tout bouclé. Ils commencent la prod là bientôt. Et en fait, ce dont ils, enfin, l'argent qu'ils ont besoin en plus, c'est pour financer voire plusieurs grosses scènes. Avec, j'imagine, beaucoup de fourmis ou des trucs comme ça, avec énormément d'animation à l'écran. Et pour Ah, ça, c'est en pour les fait, dresseurs de fourmis, quoi, c'est ça? de quoi? C'est pour les dresseurs de fourmis, ça coûte cher. Bah ouais, c'est ça. Hein. Non, mais C'est pour la enfin voilà, focale, vous avez compris, c'est pour la focale. je trouve la justification assez bizarre parce Bah, que. le choix est plus judicieux, ouais, et puis comme tu dis, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit pour le faire. Ils sont déjà là pour dire merci pour leur récompense. Et bon, on peut comprendre le fait qu'ils se servent de cette visibilité-là qu'ils n'avaient pas forcément autrement pour mettre en avant cette partie-là, cette partie financement. Mais Mais après, ça, c'est totalement discutable. Hein. en plus, ils l'ont pas fait directement, mais c'est surtout que ils viennent de le recevoir, le César. Donc Oui. forcément, derrière, ça va De amener la du notoriété, du budget, financement. ouais. Et en plus, je suis pas sûr ils en avaient réellement besoin. Mais après, je suis pas dans la production. C'est juste un avis personnel extérieur. Et voilà. Mais ça se trouve, ils ont des très bonnes raisons de le faire. Moi, elle me saute pas aux yeux. D'accord. C'est tout ce que je voulais Bon, dire. j'ai surtout l'impression que justement ils sont un peu plantés dans la création du devis. Parce qu'un film de cette ampleur, on va dire que ça monte à peut-être 4 millions d'euros, on va dire. Plus, Trois à peu près là. Et je crois peut-être que plus, je sais Minuscule, pas. c'était plus proche des 10 millions. Je veux pas dire de Oui, donc on va bêtises, dire, mais. ouais, 10 millions, ouais, c'est peut-être. Donc on peut dire que on va la mettre à 10-15 millions pour le deuxième. Et peut-être que 100 000 euros, du coup, ça représente vraiment des petites choses qui manquent. Et ça voudrait dire que justement, ils sont un peu plantés sur la création du C'est devis et qu'ils ont vu trop grand, quoi. possible, hein. soit ça, soit c'est juste de la communication. C'est-à-dire lancer un financement participatif pour qu'il y ait pour qu'on en parle Du buzz. régulièrement et que voilà, en gros que en gros c'est enfin pour moi j'ai l'impression que c'est de la pure communication. Pour moi c'est une Ouais, c'est erreur, clair. mais C'est voilà, juste un coup de pub, quoi. c'est ça, comme sert souvent le financement participatif pour des projets qui ont déjà un financement conséquent. Et voilà, c'est juste pour parler avant la sortie du projet. J'aimerais juste remarquer avant qu'on passe à la suite, c'est que si comment dire, si tu dis qu'Astérix était vraiment 1 milliard de fois meilleur que Jack et la mécanique du cœur, c'est-à-dire que ça devait vraiment être un très très mauvais film alors. Hein. Ah, le gros troll. Bah, ou que Astérix est le meilleur film du monde, on peut le dire aussi. Hein. Aussi, voilà, exactement. Alors moi, je penserais plus du côté de Jack est un très mauvais film. Ah. Mais ça veut pas dire que Astérix n'est pas un bon La film. La persécution continue en 2015, hein. Vous êtes témoin. Astérix aurait dû gagner le César du meilleur film. Bah, en tout cas, c'est assez honteux qu'il soit pas nommé. Qu'il soit même pas nommé, voilà, c'est tout ça. C'est enfin vraiment j'arrive pas à comprendre quoi. Ouais. Alors que même le champ de la mer est nommé. Je pense aussi et en même temps Minuscule il a été nommé aussi parce que il est populaire. Mais il est populaire auprès des autres. Enfin c'est différent. Ouais. Je pense que c'est le côté prise de risque, le côté format un peu plus je sais pas qu'on voit moins mélange de technique avec après rien n'empêche de mettre un sélectionné de plus et de pas de de rejeter une place de plus dans les nominés et de pas lui donner hein, c'est ah oui non mais de toute façon ça coûte rien il y avait hein. Que 3 nommés alors voilà. Que d'habitude il y en a 4 ou 5 ça dépend des années mais ouais. C'est juste que de toute façon les Césars c'est pas nouveau ils s'en foutent complètement de l'animation oui. Il y a plein d'autres catégories dans lesquelles pourraient apparaître les films d'animation ils y sont pas. La musique, l'adaptation, le scénario, enfin il y a plein de choses. Oui, tu as raison, tout à fait. La mise en scène. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il pourrait apparaître, mais ça c'est pas que au César, c'est partout. C'est partout, ouais, tout à fait. Mais bon, les Césars sont particulièrement mauvais avec le film d'animation, vu que cette année encore ils ont donné la récompense du meilleur film d'animation, en même temps que la récompense du meilleur court métrage d'animation. C'est la seule catégorie où ça se fait. C'est incompréhensible. Il y a deux récompenses d'un coup. Personne comprend ce qui se passe. En tant qu'il regarde la César, quoi. Pas mal de monde, mine de rien. Après, il y a beaucoup de gens qui s'endorment devant aussi. Comment ? À cause de Marion Cotillard, hein, c'est vrai qu'elle fait son discours de 2 heures sur Sean Penn. Elle a dit des trucs cool dans son discours, je trouve. Oui, oui. Après, c'est toute la cérémonie quand tu vois. Elle a parlé de la meilleure façon de mourir dans une scène de film ou pas? Mais alors, ça, c'est un procès injuste qui lui est fait. Ce n'est pas parce que sujet, ça, c'est pas totalement sujet. De la faute du réalisateur qui aurait jamais dû foutre une scène pareille. Oui, c'est clair. On n'est pas sur un podcast sur Marion Cotillard, on est sur un podcast d'animation et on va pouvoir maintenant parler des Oscars hein, où Marion Cotillard était aussi nommée, donc on peut faire un magnifique fond entre les deux. Elle a fait une remise de récompense, je sais plus ce que c'était. Mais... Non, elle a été nominée en tant que meilleure actrice. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et donc aux Oscars, alors il y a eu les nouveaux héros qui a eu le meilleur film d'animation. Personnellement, ça me scandalise à peu près autant que Minuscule ouais, et César. J'aurais plutôt mis Lego, La Grande Aventure, pour le risque. Bah non, il était même pas nommé. Elle était même pas nommée. Et c'était le gros ça, oublié. Ça, pour le coup, c'était vraiment dégueulasse. C'est clair. Il était nommé partout dans toutes les autres récompenses. Et d'ailleurs, il a eu le BAFTA. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Mais il était nommé que pour Everything is a Song, la chanson. Dans la meilleure chanson. Ouais, là, ouais. D'ailleurs, ils ont quand même fait des Oscars en Lego, je crois. Ouais, ils ont fait la chanson sur scène et ils ont fait des Oscars en Lego et c'était plutôt cool, je trouve. Un des trucs les plus cool de la cérémonie. Ouais, ils sont joueurs, quoi. Oui. Ouais. Ils ont quand même gagné tellement d'argent qu'ils s'en foutent un peu. Ouais. Il y avait à peu près tous les films, les bons films de nommer cette année. Il y avait Kaguya, il y avait Dragon 2, il y avait... Non, Le Vent se lève, c'était l'année dernière. Il n'y avait pas Box Troll ? Ah oui ? Il y avait les Box Trolls, il me semble qu'il y avait le Book of Life, La Légende de Manolo, en français. Donc il y avait tous les gros films sortis cette année. Kaguya, on s'y attendait qu'il soit pas vainqueur. Oui. En plus, on a eu quelques heures avant un témoignage anonyme d'un votant disant globalement que, en gros, il avait pour l'animation, il avait regardé que les films qui intéressent ses enfants, donc pas les box trolls. Les escrocs. Et avec un bon petit truc un peu raciste sur le cinéma japonais. Sur l'animation japonaise. Et puis, non mais, et puis souvent, c'est, cool, dire, c'est souvent un Américain qui gagne à la maison aussi. Hein. Ça doit être rare d'avoir. Non, pas que. Manuka, il avait gagné, non? Ouais. Shiro aussi. Je sais plus. Il y a eu des films japonais, il y a eu des films européens aussi, il me semble. Mais, enfin, c'est. Moi, souvent, j'ai l'impression que c'est souvent, ça se joue après, souvent entre oui, Disney. Bah, de toute façon, t'as Disney, Pixar, Hardman quand ils y sont. C'est à peu près toujours les mêmes ouais. films. C'était pas le chat du rabbin qui avait gagné aussi une année. Ah ouais? Alors là, tu m'étonnes. Il y a un film français qui a gagné. Où je confonds c'est peut-être pas, avec pas le. C'est pas le film de Chaumet, là, les triplettes de Belleville. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. Il y a eu Logorama aussi, les Français qui avaient gagné, je crois. Ouais, bah, l'Oscar. Dans le cours, ils sont un peu plus internationaux parce que y a, les Américains réalisent très peu de cours, en fait. Et là, du coup, cette année, c'est. Et du coup, au niveau du cours, cette année, c'est Festin. Fist en VO, réalisé par Patrick Osborne. Ne rigole pas, Fist, s'il te plaît. Excuse-moi, tu m'as tellement pris par surprise. À cause de toi, on va passer en explicite, quoi. Ah, mince. alors que c'est juste un chien et de la bouffe. Ah oui, d'accord. C'est tout. Aucun rapport, quoi. Aucun rapport. mais du coup, non, bah, Festin que j'aurais bien aimé voir et que. Non, c'est pas possible. Ah non, mais tu peux en parler, hein, si tu l'as pas vu. Hein. Non, mais que j'aurais bien aimé voir et qui, bizarrement, ne passait pas comme à peu près tous les courts-métrages qu'il y a avant les Disney ou n'importe quel film d'animation. Enfin, ça passe en France, on les passe jamais. Ah, pour l'avoir vu, c'était vraiment cool. Hein. Je dirais même que ça a fait un coup de poing, comme on dit. Ouais, bah déjà, moi je suis très très fan de la DA. Putain, j'avais pas tilté. Oh merde. J'ai dit ça vraiment. Franchement, oui, mais en plus. Pardon, non, mais on va pas. On non, coupera on va les pas. Rires au montage, hein, ou pas. C'est magnifique. Et donc Festin a eu le et il y a aussi il y a Miyazaki aussi qui a eu un Oscar d'honneur. Mais je crois que par contre les Oscars d'honneur étaient distribués avant, ils ont ouais, fait une c'est cérémonie. Fait au mois de c'est fait au mois de décembre ou ouais, novembre, ça. Un truc ouais. comme ça. Du coup voilà. C'est horrible, franchement c'est ça y est, c'est la fin. C'est bon, c'est fini. Les Golden Globes, on en a parlé? Non, pas encore. Voilà, je te bah Dragon 2. Voilà. Dragon 2 qui a eu le Golden Globes du meilleur film d'animation. Au niveau des BAFTA, c'est La Grande Aventure Lego donc qui a eu sa récompense. Au niveau court, c'est The Bigger Picture qui avait été présenté à Annecy en 2014. Donc voilà, et puis bah sinon il y a eu les Annie Awards où c'est Dragon 2 qui a remporté le meilleur film d'animation et après bah les Annie Awards faut regarder le palmarès. Attends, je vais pas y arriver. Faut regarder le palmarès parce que bah c'est les Annie Awards en fait c'est ils récompensent que les films d'animation, effets spéciaux, etc. Et donc il y a plein de catégories qui récompensent les meilleurs animateurs, etc. Et donc il y a pas mal de choses à aller voir. Ce qu'on peut remarquer dans les Annie Awards, c'est que c'est très comment dire, c'est très américain. Là, beaucoup plus que les Oscars. C'est-à-dire que je sais plus. Kaguya, il a été nommé 3 fois, je crois. À chaque fois, c'est pour le meilleur film d'animation, c'est pour meilleur réalisateur, mais il y a rien sur sur les animateurs ou sur le côté technique du truc. Ce que je trouve assez bizarre, alors qu'il y a les pingouins de Madagascar qui est nommé plus de fois. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, après, bon, de toute façon, cette année, il y avait tellement de monde que c'était compliqué, et du coup, c'est Dragon 2 qui a remporté le truc. Comme ça aurait Mais pu être. Ouais. je trouve ça assez étrange quand même que, tu vois, quand on voit les Oscars des films live, quand on regarde tous les prix, tu vois, les BAFTA, les Golden Globes et tout, ça revient souvent, tu vois, on voit le meilleur film, c'est souvent le même, meilleur acteur, etc., il y a des trucs qui reviennent. Ouais. Et par contre, pour les films d'animation, c'est jamais la même chose, en fait. J'ai vraiment du mal à apporter de la crédibilité à ces prix-là dans Ouais. l'animation. J'ai l'impression que c'est vraiment... Bah sur le moment, le mec qui a voté, il a trouvé ça, il a trouvé Dragon 2 cool et du coup il va voter pour celui-là, mais sans vraiment beaucoup de conviction en fait. Ouais, parce que en fait, souvent les votants, c'est des gens qui sont pas très portés sur le film d'animation, et du coup, bah c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'ils regardent les films, ils votent pour le plus cool, mais pas. Ouais, c'est ça. Après, peut-être que techniquement, ils sont pas très au fait du truc, ils sont pas critiques comme ils peuvent l'être sur des films live, quoi. Mais après cette année c'était difficile aussi parce qu'il y avait quand même des très bons films. Il y a eu La Grande Aventure Lego, il y a eu Dragon 2, il y a eu Les Nouveaux Héros, même si pour moi, enfin là, c'était assez bizarre parce que il n'y avait pas de grand chef-d'œuvre, à part peut-être je trouve Kaguya et La Grande Aventure Lego qui étaient vraiment très différents. C'était des gros blockbusters. Mais c'était pas des films extrêmement marquants. Ils étaient tous très bons. La sélection était assez homogène, mais il y avait pas de trucs vraiment qui sortaient du lot, quoi. Très bien, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour déjà au niveau des récompenses. Ouais, il y a plein d'autres récompenses, mais on va pas parler de tout. Et puis au final, globalement, c'est les mêmes qui ressortent, donc voilà. Exactement. Exactement. On va finir avec les news. Alors, d'abord avec la date de Vice Versa. Vice Versa, c'est le prochain Pixar hein, qui a encore vu sa date de sortie en France modifiée, puisqu'il était initialement prévu pour le 24 juin. La date avait été décalée ensuite au 29 juillet, mais on a appris tout récemment en fait que le film sera en fait dans les salles à partir du 17 juin, donc 7 jours avant la première date, donc on ne sait pas forcément trop à quoi correspond En fait, ce changement. c'est que la première fois quand ils ont décalé, c'est qu'ils voulaient éviter les Mignons, Oui, d'accord. qui va être certainement le gros carton de l'été. Donc ils l'ont déplacé au 27 juillet. Et en fait, le jour où ils ont annoncé le changement de date, il y a eu l'annonce du Petit Prince qui a été avancé, pareil, qui était prévu pour fin septembre. Et qui a été avancé au 27 juillet, ou 29, je sais plus. Mais du coup, à la même date de sortie que Vice Versa, et 2 semaines avant Moon. Donc ils ont décidé de leur déplacer et de l'avancer au 17 juin, pour être 3 semaines avant les Mignons et longtemps avant le Petit Prince, et profiter un peu d'une espèce d'accalmie au niveau des sorties. Très bien. Ouais, Mais donc en c'est un tout cas, ça peu. montre qu'ils sont absolument pas confiants sur Vice Versa Oui, c'est clair. et qu'ils ont très très peur de la concurrence, notamment celle des Mignons. Bah, de toute façon, avec qui s'est pris un beau retour de bâton, je pense qu'ils font moins les fiers, ils sont un peu plus prudents, j'ai l'impression. Je pense aussi, ouais. Tout à fait. Bon, après, là, on est vraiment sur un nouveau. Bah, après, oui. T'as raison, mais je trouve que le concept est plutôt pas mal et qu'il rejoint Ah ceux oui. des premiers films en fait dans l'esprit des premiers films Pixar. Mais Ah ça ouais, se... il va vraiment marcher, mais bon, c'est, je pense qu'ils sont un peu plus frileux pour le coup, pour c'est rentrer pas dans faux. une. Et pour terminer, alors j'ai notamment pensé à Chronos avec cette news, c'est parce qu'on a appris il y a pas longtemps le décès de Gérard Calvi. Alors Gérard Calvi, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est le papa d'Yves Calvi, journaliste que l'on connaît à la télé et à la Et radio. si vous connaissez pas Yves Calvi, tant pis pour vous. Et ben tant pis pour vous, soit C'est le fils ouvrez-vous. de Non, de personne. De quelqu'un quand même, mais qu'on ne connaît pas. Enfin bref, donc Gérard Calvi est décédé à 92 ans. Gérard Calvi, en fait, était un compositeur. Il a été aussi président de la SACEM, donc ce magnifique organisme qui gère les droits des compositeurs et des chanteurs. Et c'est le compositeur de la chanson tant aimée de Chronos dans Astérix, Le gâteau à la Ah, Sonic. Cette chanson ouais, grand moment. qui reste en tête, exactement. Ah bah ça fait partie de mon enfance, hein, tout ça, c'est normal. J'imagine, je vais m'y croire. Et donc, ben voilà, c'était pour dire que qu'il était décédé, non pas à cause de la qualité du dernier Astérix, mais à 92 ans de vieillesse. Et donc Jeunissime. voilà, c'était pour laisser pour de pour donner pour dire un peu qui était cet homme qui avait laissé son empreinte à sa façon dans l'animation, notamment en France. Et voilà, donc on a fini avec les news. On va pouvoir maintenant passer au cahier critique. Donc ça commence maintenant. Si ma tante te demande, on a passé la journée à l'université. Compris? Nous avons sauté d'une fenêtre! Non! Non, moins fort! Chute! Chute? Nous avons chuté d'une fenêtre! Je t'interdis de dire une chose pareille à tante Cassie! Et on commence avec justement avec Disney, avec le Disney qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation il y a une semaine tout juste, avec les nouveaux héros, donc Big Hero 6 en version originale. Alors l'histoire rapidement, donc le héros du nouveau Disney s'appelle Hiro Hamada, qui est un petit génie de la robotique et qui découvre qu'un complot criminel menace de détruire la ville de San Francisco. C'est avec l'aide de son plus proche ami Baymax, le robot infirmier construit par son frère et de ses compagnons, qu'il va tenter de sauver la ville au nom imprononçable. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté à la fin, le nom imprononçable. Messieurs, qu'en Ah, t'as avez-vous réussi à le dire pensé? pourtant. Comment? T'as réussi à le dire pourtant. Oui, t'as vu ça un peu? Une après-midi. Enfin bref. Puisque tu rigoles, puisque tu fais le malin, qu'en as-tu pensé, J'ai Toon? adoré. J'ai adoré. Je trouve que c'est exactement ce que doit être un Disney. C'est un pur divertissement. C'est magnifique. Enfin, techniquement, il est vraiment très très bon et il met une claque à ce qu'a fait. À ce qu'a fait Disney ces dernières années. Artistiquement, c'est pareil. Voilà, c'est du pur divertissement, ça va vite. Il y a des très bons personnages. Il y a Baymax. Baymax, c'est quand même le personnage ultra cool que tout le monde va vouloir et qui va se vendre en peluche, etc. Par camion. Et voilà. Le seul petit bémol que j'ai à mettre, c'est au niveau de l'histoire qui est extrêmement simple et qui sert juste de prétexte. Mais globalement, ça marche très bien, c'est très maîtrisé. La ville est fantastique et limite, on la voit pas assez parce que tous les décors qu'ils ont créés et tout, ils sont vraiment superbes. La stéréoscopie fonctionne à merveille et je pense notamment à une scène un petit peu, enfin, on va pas spoiler parce que c'est un passage relativement important, mais une scène vers la fin où ils sont où ça joue sur la gravité et qui est en stéréo, 3D stéréoscopique, qui est absolument sublime. Voilà, artistiquement, ça tue et il y a pas de suite d'annoncer encore, mais il y a clairement une porte ouverte pour Oui, autre chose. vu la fin. Moi, je mise sur une série, mais voilà, je me trompe souvent, donc en fait, je dis rien. Mais non, non, c'était vraiment un film ultra cool et du pur divertissement Disney, comme on aime et comme ils refont depuis quelques temps, et c'est vraiment cool, quoi. De ton côté, Chronos, hein? Bah, je suis un peu pareil, hein. J'attendais le film, la bande-annonce m'avait bien plu et j'ai été même encore plus surpris que ça. Effectivement, en fait, c'est vraiment, comme il dit, c'est vraiment du pur Disney comme on aime. En plus, il n'y a pas de chanson, donc il n'y a pas de délivré libéré. Ça, c'est Ben cool. voilà, c'est un C'est bon point. libéré délivré. T'as inversé les deux. Oui, bon. Bref, et non, techniquement, c'est... En plus, je trouve qu'ils ont vraiment largement amélioré le moteur. Ils ont changé le moteur, je crois. Donc, du coup, il n'y a pas ce côté vachement, vachement cheap qu'il y avait un peu dans, dans Frozen ou même Réponse. Et du coup, tout est magnifique. L'animation, elle est juste top. Ben Max, il est incroyable. L'histoire, elle est très classique. Mais je trouve que c'est bien écrit, c'est bien amené. Les personnages sont bien sentis. Le rapport entre Baymax avec son frangin et avec avec Hiro, c'est bien senti. Il y a un petit côté Marvel Avengers qui est vraiment bien rendu. Ah, une scène d'action avec toute l'équipe, c'est vraiment ça marche super bien. Non, franchement, c'est vraiment au top, quoi. J'ai vraiment passé un super bon moment. C'est vraiment ça que j'attends dans un film d'animation, en fait. C'était vraiment très bien. Bah, je vais penser la même chose, je vais dire la même chose que vous deux, hein, parce que c'est vrai que le film est vraiment. Je vais me répéter un peu, je vais répéter plutôt un peu ce que vous avez dit, parce que c'est évidemment un Disney qui est très dynamique dans son approche, très divertissement, très divertissant surtout. Moi j'ai beaucoup aimé, alors je trouve que le film est assez adulte dans son traitement, je trouve. Notamment pour en avoir parlé avec Tuntun, voilà, notamment sur le travail sur le deuil, puisque auparavant, voilà, on a le souvenir de cette fameuse scène qui a traumatisé énormément d'enfants dans Bambi, où ben, Bambi, je spoil, il a 40 ans de retard, mais Bambi voit sa mère se faire tuer par un chasseur. Non. et plus tard, je vous dirai quel est le rapport entre Dark Vador et je pourrais dire à son fils, mais faudra que tu t'en souviennes. J'ai un trou. Luke Skywalker, merci beaucoup. Donc voilà, non, on avait vraiment, on veut dire, ce côté-là dans Bambi où bon bah la mère de Bambi meurt, il y a finalement ce moment triste et puis après on passe à autre chose, quoi. Très clairement, c'est ça. Parce que là, voilà, la chose revient véritablement à différents moments de. À différents moments de l'histoire et en plus c'est personnifié par la présence de Baymax, parce que forcément le lien de Baymax entre Baymax et Hiro n'est pas uniquement un simple ami entre guillemets entre les deux, voilà, entre autres, mais voilà, c'est assez intéressant. Alors, c'est marrant que tu prennes l'exemple de Bambi, parce que en fait je trouve que c'est du coup totalement l'inverse, c'est que Bambi la mort est extrêmement marquante et voilà, tout le monde s'en souvient, et la suite par contre on s'en fout un peu, enfin c'est résumé, hein, mais en gros c'est ça, alors que là dans la mort de spoil, pardon. Oui. on le sait dans la bande annonce, mais la mort mais, du personnage est important. Ouais, on le devine. Ouais. Voilà, mais la disparition et clairement, je trouve c'est le seul truc raté dans le film, je trouve, où ça va super vite et c'est pas, enfin je la trouve pas marquante ou quoi que ce soit. Et par contre, tout le traitement derrière sur le deuil, etc. Je le trouve très réussi et du coup c'est vraiment inversé par rapport à Bambi. Ah oui, ce rapport-là. La différence, c'est que ça reste juste un climax quand il y a la mort de la mère de Bambi, parce que sinon ils auraient appelé ça le film La mort de la mère de Bambi. Dans les nouveaux héros, au final, c'est dans les nouveaux héros, c'est vraiment c'est centré sur ça, en fait, parce que justement, on voit. Alors, je vais pas spoiler non plus, mais bon, le rapport avec le méchant, il y a un effet miroir, oui, justement, clairement. Entre le côté obscur et le côté clair, etc. Et c'est vraiment le sujet du film, alors que Bambi, c'est juste, c'est un climax, en fait, c'est vraiment, il base pas le film sur ça non plus, quoi. Oui, mais. Même si c'est ce qu'on retient. Ce que je trouve dommage dans les nouveaux héros, c'est que. Quel nom de merde. C'est que. C'est vrai. C'est un sous-titre, en fait. Plus qu'un titre, c'est un sous-titre. Les nouveaux héros 6, c'est que du coup oui l'élément déclencheur en fait est absolument pas marquant, en tout cas pas pour nous, pour le personnage oui, mais pour nous je trouve vraiment la scène ratée, quoi. Ça va très très vite après une scène assez hallucinante techniquement et qu'en fout plein la tronche Et très rapidement derrière, il y a ce truc-là, et c'est l'élément déclencheur, mais ça, enfin, je la trouve vraiment pas marquante, quoi. Après, c'est peut-être aussi voulu dans le sens où bah, c'est finalement la scène n'est pas plus c'est pas forcément la chose la plus importante, mais voilà, c'est le Ouais, deuil. mais ils auraient pu en faire un truc que, enfin, je vais pas dire cool parce que c'est jamais cool, mais voilà, ils auraient pu en faire un truc plus qui, Qui enfin, je marque sais pas, plus. qui marque plus, ouais. Après, la différence aussi, Ouais. c'est que bon, alors ça peut-être joue aussi dans la façon dont le traitement se fait, mais c'est que Bambi, ce sont des animaux, alors que dans les nouveaux héros, ce sont des humains. Et donc, il y a peut-être aussi comment dire, une attention toute particulière qui a pu être mise par rapport à ça, notamment dans cette scène-là, et puis après par la suite. Hein, et ça peut jouer, quoi, je pense. Peut-être. Et j'espère aussi qu'à la manière, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand le monde de Nemo était sorti, la mode était au poisson clown, hein, que maintenant que les gens ont vu les nouveaux héros, il y aura de plus en plus de gens à vouloir faire des sciences, à vouloir faire des robots, vouloir créer leur propre, avoir leur mettre en marche leur propre imagination pour créer le robot de demain. Parce que j'avoue que les idées étaient assez cool, je Ah, pense notamment, si je peux avoir le robot de combat du début, ah ouais, là je c'est le cool, prends ouais. direct. Même le vélo, si tu veux, le vélo, je suis assez fan. Ouais, c'est Il est vraiment bien. cool, quoi. Donc c'est plutôt sympa le côté, voilà, ce côté-là aussi, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut. Parce qu'il y a, tout n'est pas que sur le deuil, évidemment, faut pas oublier ça, mais c'est vrai que c'était une partie importante à mettre en avant. Et le fait est que voilà, il y a énormément de choses dans le film. Chronos et Toon Toon, on en parlait notamment au niveau de l'identité visuelle qui est assez forte. Évidemment, les clins d'œil. Et sous-exploité un peu, je trouve. Ouais, Parce mais. que c'est tellement. Justement, ils ont créé un univers tellement riche et foisonnant et qui s'adapte bien au film d'animation. Parce que enfin, tu regardes la ville de nuit avec toutes les lumières et tout, c'est magnifique. Et Ah, c'est d'ailleurs, clair. j'ai vu quelques arts de préparation d'Hélène Chen, par exemple, ou d'autres qui sont assez. Enfin, qui sont vraiment très beaux et qui sont pas réexploités dans le film. Après, c'est normal s'il crée un univers et tout n'est pas repris, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire avec ça, quoi. Exactement. Et donc c'est un bon oui massif pour aller voir le film comme il est encore au cinéma, faut pas hésiter surtout. N'est-ce pas? Surtout qu'il fait pas Tout à fait. des super entrées. Ce qui est dommage Ah quand oui, même. en France. Ouais, en France, parce que sinon c'est un énorme carton, mais en France, Ah oui, on en parlait, bah c'est avec la ouais. sortie en février. Bah ça pète un peu le truc, quoi. Surtout que c'était vraiment un Ouais. film fait pour Noël. C'est clair. On va passer à la suite du coup. Toon, je vais te laisser la parole pour un de tes nombreux monologues prévus pour cette Ah partie. mince. Many friends growing up, so I learned to be okay with just me, just me, just me, just me. I like to eat in school by myself. Parler des souvenirs de mardi. Alors, je vais vite fait replacer l'histoire. Je veux bien, s'il te plaît. Merci beaucoup. Les souvenirs de Marnie, donc ça nous raconte l'histoire de Dana, une jeune fille solitaire qui vit en ville avec ses parents adoptifs un été. Elle est envoyée dans un petit village au nord d'Hokkaido, dans une vieille demeure, pardon, inhabitée. Au cœur des marais, elle va se lier d'amitié avec l'étrange Marnie. Nous t'écoutons, nous sommes toutes oui, mon petit Tuntun. D'accord. Ben, c'est le nouveau Ghibli, Le dernier. le dernier, oui, le nouveau quoi. donc qui est réalisé par Hiromasa Yonebayashi, pardon, qui est le réalisateur d'Arrietty. Donc c'est son deuxième film. Et il y a un énorme gap entre ces deux films. Un peu comme il y avait eu pour Gorō Miyazaki entre Contes de terre et mer et La colline aux coquelicots. Là c'est pareil mais en puissance 10. Le film est vraiment incroyablement bien réalisé et très loin de ce que de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Ghibli, c'est-à-dire que au niveau de la réalisation vraiment, c'est-à-dire des cadrages, des différents plans, du découpe, enfin de la mise en scène, etc. Il est assez audacieux, il est très moderne. Et du coup, il est quand même relativement loin de ce que faisait, de ce que pouvait faire Takahata et Miyazaki. Et donc, ça fait du bien de voir ça. En plus, donc, il profite de décors vraiment très beaux. Il a une écriture, une narration vraiment réussie. Comment dire, en fait il y a pas mal de il y a pas mal de, enfin il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a notamment sur l'histoire d'Anna et parce que donc la narration là-dessus est très bien faite parce qu'on voit une évolution dans le personnage et on sait globalement ce qui va se passer, on comprend vite certaines choses, notamment son rapport par rapport à enfin son sa relation, pas sa relation mais le lien qu'il y a entre Marnie et Anna et on le comprend assez vite mais justement il y a toujours un léger doute qui subsiste et la façon dont c'est amené c'est très bien fait et en fait on voit vraiment l'évolution du personnage d'Anna et sa vision du monde et du coup il y a deux façons de voir le film. C'est soit parce que Anna au début voit le monde de manière très très sombre, enfin très sombre. Du coup, la vision du film du monde qu'on a à travers le film est assez sombre. Et le c'est soit et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cet entre-deux où on sait pas trop. Est-ce que c'est le monde qui est Anna, dû à cause de sa maladie, voit le monde de manière très sombre. Ou est-ce que c'est le monde qui est sombre et qui fait que Anna le voit comme ça. C'est assez subtil et en fait il y a cette évolution qui fait pencher plus d'un côté, mais on est toujours un peu sur la corne. Et qui est très très bien amené et qui fait que petit à petit comment dire le monde qui entoure Anna s'embellit au fur et à mesure et les décors gagnent en lumière, en beauté, etc. au fur et à mesure du film et là-dessus c'est vraiment je trouve certainement la plus grande réussite du film. Après j'ai il y a deux, trois petits trucs qui m'ont dérangé, notamment dans la relation entre Anna et Marnie, qui est vraiment étrange et qui est très ambigu. C'est entre de l'amour et de l'amitié, on sait pas trop, on sait pas où ça nous mène, et c'est ça qui nous met le doute, en fait, dans le vrai lien qu'il y a entre les deux personnages. Donc c'est assez déconcertant, en fait. C'est vraiment entre les deux, c'est le seul petit point que j'ai pas compris en fait dans le film. Après, il y a le doublage sur les personnages principaux, sur les deux personnages principaux notamment et quelques autres personnages qui est vraiment excellent, et il y en a d'autres que je trouve complètement ratés, et c'est assez rare dans un Ghibli, je trouve. Je parle en version française, puisque je l'ai vu en VF. Et voilà, les deux personnages principaux sont très bien doublés, et globalement, le reste est vraiment un temps en dessous. Donc voilà, et par contre, au niveau de la mise en son générale, là, Ghibli, il nous habitue toujours à un très bon niveau. Et là, vraiment, je trouve qu'ils ont été encore au-dessus et que c'est peut-être une des meilleures mises en son que j'ai entendues dans un Ghibli au niveau des bruitages, et etc. Je le trouve vraiment sublime. Et du coup, voilà, en fait, j'en suis ressorti vraiment enchanté. Alors que, on en parlait avec Chronos, la bande-annonce nous donnait pas grand-chose, en fait, comme d'habitude, un peu avec Ghibli. On sait pas à quoi s'attendre, on sait pas où on va. Et je savais pas du tout où j'allais. Je savais juste que j'avais très envie de le voir. Et en fait, j'en suis ressorti totalement conquis. Et je me dis, si c'est ça l'avenir de Ghibli, bah, je signe direct parce que avec un réalisateur pareil et avec Gorō Miyazaki qui a l'air de se mettre réellement dans le bain là depuis la colline au coquelicot, je me dis que il y a vraiment des belles choses à faire et du coup ça serait bien que ça perdure. Très bien, parfait. Donc un bon Ghibli pour terminer, en tout cas pour l'instant, parce qu'on ne sait pas encore pour la suite, mais un bon Ghibli. À voir en tout cas, très bien. Alors on va quitter l'animation japonaise, on va retourner sur l'animation américaine, si on peut dire ça comme ça, puisque alors on va parler d'un personnage qui existe depuis 99, qui est pour ami une étoile de mer et un escargot qui miaule. C'est ça, hein, oui c'est ça. C'est ça. Dont son patron est un crabe qui mange de la viande. Et qui n'est pas seul, puisque même les poissons mangent de la viande. Je vais bien évidemment parler de Bob l'éponge. Le monde de Bob l'éponge. Pour toi, Gary. Est rempli d'amis. Allez, tout le monde avec moi. De douceur. Et de tendresse. Viens jouer avec nous. Il y a que des sucreries ici. Mais le 18 février. À l'attaque! Tout va changer. Ne le laissons pas détruire l'équilibre du peuple. Pour sauver leur monde. C'est quoi cet endroit bizarre? Ils doivent venir dans le nôtre. Mais pour survivre ici... J'ai rêvé de toi toute ma vie. C'est très gênant comme situation. Et faire face à un super vilain... Je fais une crise d'angoisse! Ils vont devoir se transformer en super-héros. Uh-oh. Elles sont magnifiques. Trop rapide! On se détend! Mais c'est quoi cet engin diabolique? Une attaque! Ça m'arrive quand j'ai le trac. Bob l'éponge, le film, un héros sort de l'eau. Bob l'éponge, le film, donc Bob l'éponge sort de l'eau, je crois même le titre exact de ce nouveau film. Les héros sortent de l'eau, je crois. Exactement, oui, exactement, les héros sortent de l'eau. Et un peu à la manière des nouveaux héros, il y a des super-héros maintenant dans Bob l'éponge. Tout va bien. Donc rapidement l'histoire, parce qu'on a été on l'a vu tous les trois. Donc la ville, voilà, c'est Bikini Bottom, et Bikini Bottom est le lieu de villégiature de Bob l'éponge et de ses amis. Et ce lieu est assez tranquille, hein, ils font leur vie de tous les jours. Cependant, tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate Steak Barbare. Bob et ses amis vont tout mettre en œuvre pour reprendre et déguster leur bien le plus précieux. Alors je crois que c'était déjà le thème du deuxième. Premier film. Comment ? La conquête, en tout cas la reconquête du pâté de crabe, oui. Je crois que c'est déjà le thème du premier film. Ça revient régulièrement. Voilà. C'est un gimmick, en fait, avec Plankton, donc, qui est l'ennemi de base, on va dire, l'ennemi traditionnel de, notamment de Krusty, comment il s'appelle le patron Krusty Crab, je sais plus. Ouais, j'ai un doute, je crois que c'est ça. Ouais. Donc c'est réalisé par Paul Tibbitt. Alors Paul Tibbitt, si vous ne connaissez pas, cet homme a réalisé 90 épisodes de Bob l'éponge et en a scénarisé 54 d'entre eux. Donc je pense que cet homme est fou. Je pense que cet homme est complètement cinglé à l'image du personnage de Bob l'éponge, hein, qui En fait, j'ai vu cet après-midi, donc c'est encore tout frais dans mon esprit. En fait, c'est toujours aussi drôle, hein. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas Bob l'éponge, vous n'aimerez foncièrement pas ce film. Si vous adorez Bob l'éponge, vous adorez ce film. Parce qu'on reprend évidemment tout ce qui fait le sel de. Le sel du personnage éponge, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, hein. Ça va plaire aux enfants parce que c'est très très acidulé en termes de couleurs, c'est très drôle, les personnages sont dessinés de façon assez sommaire mais suffisamment détaillée pour qu'on puisse les reconnaître évidemment. Et au-delà de ça, les adultes vont rigoler parce que c'est de l'humour absurde et qu'on en redemande encore encore et encore, c'est toujours très bien. Peut-être un problème au niveau du rythme qui est pas qui a un peu de mal à se lancer au début, en tout cas une partie assez mollassonne une fois qu'on retrouve les personnages à l'écran. On va dire sur le deuxième tiers du film avant que ça reparte un peu plus vite, un peu plus drôle, en tout cas en termes de quantité. Mais voilà, mis à part ça, on y retourne avec plaisir. Il y a le traitement aussi est vachement sympa, je trouve, entre la 2D qu'on voit quand ils sont sous l'eau et à un moment ils vont sortir, et notamment l'affiche. Hein, donc je vous apprends rien à la limite, hein, parce que on retrouve les personnages à l'air pur dans une 3D que je trouve assez bien faite et qui colle assez avec qui même si elle est très différente évidemment du traitement 2D, n'empêche pas d'être très agréable à regarder. Voilà, donc je vais vous laisser la parole du coup. Chronos, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, moi je suis pas un gros fan de la série, je dis pas que je déteste la série, mais que j'ai pas vu beaucoup d'épisodes. Du coup j'y avais été vraiment sans beaucoup d'a priori. Dans l'ensemble le film, je me suis bien marré. Il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment très drôles, il y a des gags qui sont très marrants. C'est juste qu'effectivement, entre les moments drôles, je me suis fait un peu chier en fait. C'est que je trouve que, comme tu dis, il y a un rythme un petit peu long. T'as vraiment l'impression que c'est un épisode un peu étiré en fait, que ça s'étire au maximum et que du coup au niveau de la trame, ça justement, ils construisent des trucs comme le voyage dans le temps ou des trucs comme ça. Enfin, merde, je me suis un peu spoilé. Bref, mais que du coup, ça, oui, on est plus à ça près. Exactement. Mais que du coup, ça s'étire trop et que c'est un peu dommage, quoi. Et surtout, ce que je regrette sur le film, c'est que la communication. Ils nous vendent un film en 3D avec l'affiche qui va bien et qu'au final, ça n'intervient que 20 minutes avant la fin du film. Ce qui fait que du coup, et j'étais pas le seul à éprouver ça, c'est que pendant tout le film, on se demande, bon, c'est rigolo, c'est bien marrant l'épisode en 2D, mais quand est-ce que ça arrive la partie en 3D? Et après, quand ça arrive enfin, et ben, j'ai quand même été un peu déçu parce que les gags étaient pour la plupart du temps dans la bonne ambiance, et le reste était pas foufou. J'ai même trouvé que c'était la partie la moins réussie en termes de narration et d'humour. Après, techniquement, je trouve ça très chouette, mais c'est plus sur le scénario, j'ai trouvé qu'ils cherchaient des choses à faire et qui sont un peu mis à faire des trucs à la Avengers, mais que c'était vachement moins réussi que leur modèle, malheureusement. Et j'étais un peu déçu quand même. J'ai pas vu le premier film, donc je peux pas trop comparer, et je suis pas un gros fan de la série non plus, mais en tant que film lui-même, je me suis marré, mais c'était pas non plus la panacée, quoi. Donc si t'as pas vu le premier film, t'as pas vu le pectoral de David Hasselhoff s'ouvrir pour lancer un missile quand même. J'en ai entendu parler, j'ai vu des images, mais je n'ai pas vu dans le film. D'ailleurs, je crois que c'est la première chose que j'ai posée comme question, parce que Tuntun l'a vu avant moi. Je lui ai dit, est-ce que David Hasselhoff fait une apparition? Et ce à quoi il m'a dit, vous verrez bien. Et je te laisse la parole, Tuntun, savoir toi ce que tu en as pensé, si ton avis est. On reprend un peu ce que l'on a pu en penser, et Chronos. Je suis plutôt de ton avis. Globalement, j'ai beaucoup aimé. Je le trouve très réussi. Je l'ai trouvé vraiment très très drôle et tout. Et il y a juste ce côté, enfin cette deuxième partie, qui est beaucoup trop longue en fait, puisque le film est vraiment divisé en trois parties et qui ressemble en fait à trois épisodes différents. Sauf que celui du milieu est plus long et plus chiant, forcément, du coup. parce que c'est pas prévu pour, et un épisode de Bob l'éponge trop long, c'est forcément chiant. Et du coup, c'est dommage, parce que en effet, comme tu dis, Chronos, on attend la partie hors de l'eau, parce que ils ont communiqué que là-dessus. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que du coup, on s'attend à plus de trucs hors de l'eau, et en fait, tout ce qui se passe hors de l'eau, on l'a déjà vu dans la bande-annonce globalement. Donc c'est vraiment dommage. Mais en dehors de ça, je l'ai trouvé vraiment très très drôle. Moi, j'étais mort de rire sur plein de gags et plein de références dans tous les sens, et vraiment, c'est du Bob l'éponge, quoi. C'est pur jus. Ouais, t'as des trucs vraiment idiots, c'est genre quand ils sortent tous de l'eau et qu'ils veulent faire une pause, façon commandant Guinou, et où t'as Patrick qui se retrouve dos à l'action, quoi. C'est complètement idiot. Ouais, et puis mais c'est tellement efficace. Et il y a des trucs un peu, on pète le quatrième mur, genre au moment où ils vont pour sortir de l'eau, ça apparaît dans la bande-annonce. Au moment où ils vont pour sortir de l'eau, t'as tous les personnages secondaires, pas les personnages secondaires, mais les habitants du village qu'on n'entend rien à foutre, ouais, qui disent bon bah les gars, ouais, nous on peut y aller. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, qui parce que l'histoire, en gros, on la connaît, quoi. Donc c'est vraiment tous ces petits trucs qui sont moi je trouve super drôles, et qui c'est plein de petits détails, en fait, tout le temps, et je trouve ça assez génial, et les personnages sont toujours bien utilisés. Le Banderas est très bon aussi, je trouve. Et non, bah voilà, c'est un bon film. La stéréoscopie est super bien utilisée, j'ai trouvé. Que ça soit hors de l'eau ou sous l'eau, parce que même les scènes en 2D traditionnelles sont vraiment cool. Sont vraiment cool, et ils ont travaillé là-dessus, et voilà, et c'est un bon film qui a un quart d'heure, 20 minutes de trop, malheureusement. Voilà, après, ce que je regrette un petit peu, juste, c'est la justification du film, c'est que du coup on a vraiment un scénario d'un épisode, en fait. Il n'y a pas, enfin, ouais, ça aurait pu marcher dans un épisode très facilement, et c'est juste que du coup ils nous vendent vraiment un truc comme on s'attend. Enfin, moi je m'attendais vraiment à un truc genre 20 minutes après le début du film, ça y est, ils sortent de l'eau, et du coup il y a vraiment une relation entre le film live et la 3D, quoi. Et du coup que genre les trois quarts du film soient vraiment sur cette esthétique où ils rencontrent les vrais humains et qu'ils interagissent avec eux, etc. Et au final, ce truc là c'est juste un gimmick. Au final, ça n'apporte rien au scénar, c'est juste une espèce de d'astuce pour mettre des gags en plus, et au niveau du scénar ça apporte pas grand chose, quoi. Ils auraient pu faire ça, enfin c'est juste une justification pour mettre un petit coup de 3D, mais ça ne fait pas un film, quoi. C'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est clair. Après, si tu prends juste le film, je pense que c'est la communication qui pète le truc. Parce que si tu prends juste film, ça peut justifier. C'est pas, ils sortent de l'eau, ils vont chercher leur truc et puis ils se cassent, quoi. Et du coup, c'est l'occasion pour avoir des scènes fun et techniquement réussies dans le mélange. Live et animation, mais c'est vrai que la communication axée que là-dessus, et du coup on passe son temps à attendre, et la justification, en fait, est relativement pas terrible, enfin elle apporte rien, et du coup tu te retrouves déçu du truc parce que tu t'attendais autre chose, quoi. Et je pense que c'est vraiment un défaut du côté marketing. Ils auraient axé sur le fait que le côté apocalypse, machin, enfin tout le déroulement du film au complet. Je pense qu'il y aurait, enfin, à mon avis, t'aurais pas eu cette déception là. Ouais, peut-être. Deux choses. D'une, je croyais, en fait, moi, le pirate, que c'était le pirate, en fait, qu'on voyait dans le vestiaire puant de l'enfer. Si pour les connaisseurs de la série, Les connaisseurs de la série comprendront, pardon. Ouais. Parce que j'ai fait en fait le rapprochement quand j'ai vu la bande-annonce. En fait, j'ai fait le rapprochement. Ah, ils font intervenir ce personnage-là qui est assez cool. Dans le sens où il y a une non-compréhension entre lui et Bob l'éponge, hein, mais en même temps il y a une non-compréhension entre tous les personnages et Bob l'éponge. Donc voilà. Ensuite, je suis assez content parce qu'ils avaient mis en avant sur l'affiche avec les voix de youtubeurs célèbres dont je tairai le nom aussi. Parce que alors ça, c'est tellement pourri. Quoi. Non mais je suis très content parce qu'en fait ils leur ont donné le rôle de mouette. Ouais, et puis ça sert à rien. Dans voilà. Et finalement, je me dis qu'il y a un peu une justice, quoi. Tu vois, j'aime beaucoup le côté. Ah, on vous donne un rôle, mais par contre, ce sera des mouettes, quoi. Et surtout qu'ils ont fait des vidéos promo où tu les vois en doublage faire la chanson, ouais. Et tout. Et en fait, on en a rien à foutre puisque dans le film, tu t'en rends même pas compte, quoi. Exactement. Donc c'est ils ça qui est assez cool. Ils ont fait la chanson aussi. Bob l'éponge. Ouais, ouais, ils ont fait la chanson. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ah, oui. À la fin, avec le History Rap Battle ou je sais plus. Ouais, en fait, je me souviens. Donc voilà, j'étais assez content. Du coup, j'étais de se dire que bah. Ils ont eu un rôle de merde et que ça leur allait finalement assez bien. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas de la même génération, c'est pour ça. Enfin bref, donc voilà pour Bob l'éponge. On va passer au dernier film vu encore une fois uniquement par Toontoon. Toontoon, l'homme qui voit tous les films d'animation qui passent à côté de chez lui, donc c'est assez cool. Et donc il va nous parler de Gus, petit oiseau grand voyage. Vous voyez cet oiseau majestueux qui vole dans le ciel? Celui qui est tout en premier là. Eh ouais, c'est moi, Gus. Au départ, c'était pas gagné, hein, mais alors pas du tout. Ah ! Alerte rouge ! Mode panique maximum ! Ah ! Parce qu'en fait, j'ai été élevé par une coccinelle. C'est l'occasion rêvée de faire partie d'une vraie famille. J'ai l'air d'un oiseau migrateur qui fonce vers le sud pour réchauffer ses plumes en hiver ? Ah non ? Ah non, vraiment pas ? Et pourtant, je suis parti. Comme on dit, j'ai pris mon envol. À connaître votre nouvel itinéraire. Nouvel itinéraire ? À cause des oiseaux de fer. Il y en a partout ! Il n'y a que lui qui sache comment les éviter. Des oiseaux de fer ? C'est totalement insensé ! On est là à écouter les délires d'un insecte ! Un oiseau de fer ! Ouais, on est à la mer. Ouais ! C'est très courageux de ta part. Pour un petit oiseau, je veux dire un non-migrateur, c'est un grand voyage. Elle a dit qu'il fallait mieux s'arrêter dans les villes parce qu'il y faisait plus chaud à cause d'un truc qui s'appelait la pollution. Bonsoir. Je voulais juste vous demander la direction pour l'Afrique. Dis donc, gamin, c'est normal que tous les autres aillent dans le sens inverse d'une autre ? Alors du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée, est blessé. Il va devoir confier tous ses secrets à le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau, c'est notre héros, exalté à l'idée de découvrir enfin le monde, mais pas du tout migrateur. Voilà, je te laisse la parole là-dessus. C'est gentil. du coup, c'est réalisé par Christian De Vita. Qui a déjà travaillé sur Frankenweenie, et c'est surtout fait par le studio Timto, qui est un studio français qui bosse sur pas mal de séries depuis un moment et qui se lance enfin dans le long métrage. Et notamment, ça fera plaisir à Romain, c'est designé, le car design était fait par Benjamin Renner. Ah. Qui est le réalisateur d'Ernest et Célestine et dessinateur de la BD Le Grand Méchant Loup. C'est exact. Mais Grand Méchant Renard. Le Grand Méchant Renard, pardon. Oh là là. Et donc, Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage, c'est essentiellement un film pour les enfants. Dans l'histoire, dans les thèmes abordés, etc., c'est vraiment très simple. C'est assez comment dire, alors j'aime beaucoup le design, et c'est en partie pour ça que j'y étais, parce que j'ai vraiment apprécié le ton donné sur le personnage, etc. Le problème, c'est que ça marche très très bien sur les oiseaux et c'est très efficace. Par contre, pour les autres animaux, notamment les animaux à poils, c'est complètement raté. Et Et du coup, c'est à l'image un peu du film, c'est que c'est très inégal. Il y a des scènes qui vont être très réussies, il y en a d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Et voilà, c'est ça. Globalement, c'est vraiment inégal. Techniquement des scènes qui sont plutôt très jolies avec des jolies lumières et etc. Et d'autres où c'est pas très beau. Je pense notamment les scènes dans la neige, etc. Les animaux, les personnages secondaires sont assez mal faits techniquement. Techniquement, c'est très inégal. Au niveau de l'histoire, c'est un peu pareil. Il y a des trucs qui ont pas trop de cohérence, notamment le traitement du méchant, en fait, qui est une sorte de rival à Gus. Et qui est en tout cas en désaccord avec lui et qui se fait rejeter par son groupe. Et du coup, c'est, enfin, le traitement de ce personnage, je le trouve vraiment raté, alors qu'il y avait de quoi faire un truc vraiment cool avec lui. Et voilà. Donc c'est plutôt un bon film pour les enfants. C'est vraiment trop léger pour plaire aux adultes, je pense. Et voilà, c'est un peu dommage parce qu'il y avait une bonne base, notamment le design des oiseaux, notamment l'histoire de ce petit oiseau Gus qui est plutôt bien amené. Mais voilà, c'est léger, c'est pas aller voir au cinéma, je pense. En tout cas, il y a rien qui pousse à aller le voir au cinéma. De toute façon, à mon avis, il est plus diffusé. Voilà, et ça reste à réserver aux plus petits. Très bien, très bien. Donc voilà pour le cahier critique, en tout cas les critiques du mois de février dans le celluloïd de ce mois-ci. Donc c'était assez dense, en espérant que, et je crois que ce sera pas le cas malheureusement, que les mois à venir seront du même acabit, puisque en plus il y a risque d'avoir entre pas grand chose et un petit peu, il risque d'avoir des films qui sont pas forcément d'un très très haut niveau. Je pense notamment à pourquoi j'ai mangé mon père. Donc, il y aura Shaun le Mouton pour rattraper. Ah, exact, 1er avril, Shaun le Mouton. Studio Hardman, donc on en parlera. Et puis en plus, on pourra parler en même temps qu'il y a l'exposition Musée Arlédique qui va s'ouvrir sur le studio Hardman, justement. Et que nous avons tous très hâte d'aller voir ça. On va passer à la suite, on va passer à notre deuxième rubrique, même troisième rubrique. Comment fait-on un film d'animation? Et nous allons laisser la parole à Chronos. Alors, donc la dernière fois, on avait parlé de tout ce qui était modeling, shading, c'est-à-dire la création de tous les éléments et des personnages. Maintenant, on va voir comment faire pour faire la partie plus importante, c'est-à-dire l'animation. Alors, je résume rapidement pour la partie 2D qu'on fait dans le métrage en 2D. Donc, on a déjà vu justement des making-of sur les animateurs Disney. Ils travaillent souvent sur une table de dessin, justement, en tournant les pages justement pour voir les tout états d'animation. Ils ont souvent ce qu'on appelle des assistants pour faire les inters, c'est-à-dire créer tout ce qui est entre les poses principales des personnages, parce que eux, en gros, les animateurs les plus importants, ils bossent surtout sur ce qu'on appelle une animation blocking, c'est-à-dire les poses principales. Et ensuite, c'est les intervallistes qui se chargent de faire tout ce qui est toutes les posings justement entre ces poses-là pour pouvoir faire une animation souple en quelque sorte. Et en 3D, à partir du personnage qu'on a créé en modeling, en shading, on va créer ce qu'on appelle un setup. On peut pas l'animer comme ça en bougeant juste les polygones. Il faut faire ce qu'on appelle un setup, c'est-à-dire une sorte de squelette sur lequel on va appliquer des sortes de de helpers, en fait, des petits objets qu'on pourra bouger pour faire bouger les mains, pour faire des expressions avec le visage, pour par exemple faire un stretch ou un squash avec les bras, avec la tête, pour les écraser, pour faire toute animation qu'on a besoin, comme si c'était une marionnette, en fait. C'est vraiment la métaphore de la marionnette, c'est vraiment ce qui est le plus proche du setup. Alors du coup, c'est vraiment très technique, cette partie-là, c'est vraiment quelque chose de très pointu pour vraiment avoir quelque chose d'efficace, parce qu'il faut d'abord connecter les ficelles, on va dire, sur le personnage. Il faut pouvoir faire des expressions, pouvoir lui faire ouvrir la bouche, pouvoir faire tirer la langue, lui faire fermer les yeux, etc. C'est assez long, on n'y pense pas vraiment, mais avant de commencer l'animation, le boulot pour pouvoir créer la marionnette, en fait, elle est assez importante. Une fois qu'on a ça, alors du coup, l'animation en 3D, c'est assez étonnant parce qu'ils ont travaillé ça de manière assez proche de la 2D, c'est-à-dire que les animateurs bossent vraiment en blocking, c'est-à-dire qu'ils font des poses très snap, en fait, pour pouvoir avoir l'animation en pose juste en posing, c'est-à-dire les poses principales, où va passer le personnage, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là. Et ensuite, alors, du coup, en 3D, c'est un peu plus facile parce qu'on a des petits outils pour créer les intervalles presque automatiquement, mais bon, généralement, ça fait pas ce qu'on veut, il faut toujours mettre des petits effets, des petits retards, des choses comme ça qu'on a en 2D. Et ça, justement, c'est aussi le boulot de l'animateur qui va pouvoir affiner, en fait, son animation, qui va pouvoir mettre des petites subtilités. On voit sur le... On a parlé des nouveaux héros, le boulot de Disney est assez hallucinant. Ils ont souvent des mecs qui se prennent en vidéo pour faire des références, pour faire des expressions. Ils ont un miroir à côté d'eux pour essayer de bosser les expressions le plus fidèlement possible. Et c'est assez important, justement, le boulot de référence pour pouvoir avoir quelque chose de crédible. Je sais qu'il y avait voir sur net, parce qu'il y a un des mecs qui bosse sur Sage de Glace, qui montre justement le process qu'il utilise pour juste une scène où il passe, genre, il y avait une scène de danse entre Scrat et l'écureuil femelle, je sais plus comment ça s'appelle, et il a mis genre 2 mois pour faire juste une séquence de 45 secondes. C'était dans l'âge de glace 3, ça, hein. Ouais, c'est l'âge de glace 3. Et il a mis 2 mois, justement, où on montrait ses références, il posait ses personnages, il faisait vraiment au fur et à mesure, et on voit que, ouais, mine de rien, il faut du temps, surtout pour les grosses productions comme Disney ou Pixar. Alors, du coup, pour les trucs un peu moins importants, en France, par exemple, on peut pas mettre 2 mois pour faire 45 secondes, c'est impossible, parce que sinon, ça coûte une blinde. Mais du coup, pour les longs métrages, ils ont vraiment beaucoup plus de temps, et c'est assez important ce qu'ils ont comme boulot, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille souvent avec des quotas par animateur, c'est-à-dire, par exemple, sur une publicité, avec le budget qu'on a, on va dire, voilà, ouais, on a tel budget pour animation, donc on va dire qu'on va faire un quota de 5 secondes par animateur. Et qu'en gros, il va devoir faire 5 secondes par jour, par animateur, pour qu'on puisse terminer le film dans les temps, en comptant tout ce qui est retake de clients, si jamais il y a de retouches à faire, il faut compter ça aussi en prime. Donc ça va vraiment dépendre du budget qui est alloué à l'animation, pour pouvoir avoir une qualité d'animation acceptable ou non, quoi. Mais c'est pareil, ça va dépendre, j'imagine, de la scène qu'il y a à réaliser, puisque 5 secondes d'une scène, ça va pas forcément être équivalent à 5 secondes d'une autre. Donc, Bah, on fait une sorte de moyenne, tu vois, par exemple, s'il y a une scène où il a juste un dialogue à dire, bah ça va être fait plus rapidement que si, par exemple, il y avait une marche à faire, que c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, on essaie de faire une moyenne entre les deux pour dire que, par exemple, bah, pour cette scène-là, il va devoir faire 7 secondes, mais par contre, il va rattraper son retard avec 3 secondes le jour suivant, quoi. Faut essayer de trouver un juste milieu. Et du coup, j'avais une question aussi par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure, et j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur un Disney à Pixar qui montrait exactement la même technique, mais du miroir pour faire les expressions, etc. Ça marche bien sur les humains, mais du coup, est-ce que ça marche aussi, je pense par exemple à Caillou, ou c'est des animaux et qui n'ont pas forcément des visages totalement humains, comment vous fonctionnez, en fait? En général, même avec les animaux, ça marche assez bien parce que souvent dans le cartoon, surtout, ils ont quand même des. En fait, c'est pas forcément pour savoir où sont placés les yeux ou les. C'est plus pour voir justement comment va réagir les paupières, comment va réagir la bouche justement à cette expression. Donc en fait, ça s'adapte à peu près à toutes les situations. J'avais vu sur sur l'âge de glace toujours le mec qui faisait les références, il se filmait en train de faire le tyrannosaure en fait et il faisait une tête à peu près qui correspondait à peu près à ce qu'il voulait, mais du coup il interprétait aussi par rapport à la morphologie du tyrannosaure, mais au final ça marchait quoi. C'est vraiment pour avoir une sorte d'expression, pour avoir une sorte d'attitude en fait par rapport au personnage, tout ça en fait. D'accord. Et du coup quand chez vous, quand il y a quelqu'un, enfin quand vous avez fait la pub pour Prince, il y a quelqu'un qui a fait le dragon? Non, ça. Non, après les mecs qui se filment, pour le coup c'est vraiment quand ils ont le temps. Nous on n'a pas vraiment le temps de se filmer. Et il y a vraiment, quand c'est vraiment des trucs très compliqués à faire, on peut se dire, ou tu vois par exemple, enfin ils sont souvent à la recherche de références sur net, tu vois. Ils regardent souvent des vidéos quand c'est des trucs particuliers, genre quand ils ont une chorégraphie à faire. Là il y a une chorégraphie un peu à la Michael Jackson, donc forcément tu regardes un peu les clips, tu regardes un peu ce qui se passe pour avoir les bons mouvements quoi. Pour le dragon, ils ont regardé ils regardaient Cœur de Dragon et Game of Thrones. Ouais, il y a suffisamment de références de toute façon sur net, tellement j'imagine. De choses qui ont été faites. Mais c'est pareil, ça me fait penser à Dragon où pour Croque-Mou ils ont pris le comme référence le chat du réalisateur. Non, du producteur pour référence en fait, les mouvements etc. ils se sont basés sur le chat du producteur. Ouais, parce que du coup effectivement quand t'as un personnage qui justement qui reprend des mimiques d'un animal connu, souvent à Disney tu vois sur Making of quand c'est le roi lion ou quand c'est Kung Fu Panda, bah ils regardent des pandas ou des lions. De toute façon c'est la meilleure référence possible hein, pour avoir les bonnes mimiques et choses comme ça pour que du coup le spectateur il croit un minimum quoi. C'est sûr. Après c'est vrai que je crois que sur Dragon ils poussaient même le vif jusqu'à recréer certaines scènes en 2D carrément, c'est à dire qu'ils faisaient presque une séquence d'animation 2D et pour pouvoir la refaire en 3D et pour pouvoir avoir une sorte d'animatique très pointue et refaire ça et refaire ça en 3D quoi. Parce que c'est vrai que sur Kailou par exemple nous on avait l'avantage de travailler avec des mecs qui bossaient en animation 2D et qui faisaient justement des animatiques à la base en fait. Donc D'accord. En fait quand on regardait les animatiques, bah en fait il y avait déjà tout ce qu'il fallait en information, les animateurs ils avaient juste à repiquer les expressions et tout, au niveau du timing et tout, ça marchait déjà super bien. Et du coup ça permettait d'avoir. Il y a un côté plus instinctif à le faire en 2D à partir de la 2D, j'imagine à dessiner les expressions et tout, où il y a en 2D il y a un côté un peu plus peut-être plus exagéré ou ça doit être plus facile à retranscrire j'imagine en 3D que de partir directement de la 3D quoi. Après c'est vrai que le setup justement il s'adapte pour pouvoir faire pour pouvoir avoir les mêmes possibilités qu'en 2D, c'est avec le setup tu vois par exemple quand tu vas faire un setup d'un personnage réaliste, bah tu vas pas lui mettre des trucs pour faire des squash et stretch parce que du coup c'est pas du cartoon quoi, ça reste du réaliste. Et du coup quand on fait les personnages de Kailou, ben on va pouvoir leur mettre des trucs qui sont pas crédibles avec les animaux, tu vois, c'est des trucs cartoon, donc on va pouvoir lui faire déplacer sa bouche directement sur le côté en lui faisant une petite moue, on va pouvoir lui mettre des yeux énormes, des choses comme ça, et du coup on s'adapte en fait aux possibilités. Ouais. Mais bon, l'avantage c'est vrai qu'avec l'animatique 2D c'est que on l'avait fait vraiment que sur Kailou, parce que les autres, quand t'as un storyboard ou un truc comme ça, on est quand même moins précis, mais c'est vrai que sur Kailou, les animateurs, ils appréciaient vraiment de travailler sur un truc qui était déjà... ils voyaient l'animatique 2D et ça fonctionnait déjà super bien. C'était presque un dessin animé 2D qui était sous nos yeux, donc c'est l'avantage. Ok. Du coup, ça me fait penser, je dérive complètement, mais ça me fait penser pourquoi j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est performance capture et motion capture, c'est que les images virtuelles ça reste du virtuel Et si on veut faire trop réaliste et qu'on se rapproche trop de la réalité, c'est ce qu'on, enfin c'est on se retrouve dans ce que j'ai perdu le nom, la Uncanny Valley, voilà, où ouais, ça. Le moindre petit détail un peu différent, on le remarque direct et ça nous fait sortir du truc. Alors que si on a directement ce côté, même si on peut avoir un effet réaliste des lumières, etc., réaliste, le fait d'avoir des expressions exagérées, des mouvements exagérés, etc., on reste, même s'il y a des trucs qui vont pas forcément comme on voudrait, ça nous choque pas autant que si on tend vers le réalisme. Et c'est ouais, là où je pense qu'il y a beaucoup d'animations 3D maintenant qui sont assez dérangeantes, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est plus notre perception de la réalité, c'est-à-dire que quand tu fais un film réaliste, direct, si le personnage il marche pas comme un humain, s'il a plus. Tu utilises un personnage réaliste avec un rendu réaliste et tu lui mets une animation cartoon, tu vas direct tilter qu'il y a un truc qui va pas parce que en fait, ton œil voit que c'est un truc réaliste, mais il fait un truc complètement improbable. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Ouais. Ça, physiquement, c'est pas possible. Et c'est pareil aussi, par exemple, si tu fais, je sais pas, une pomme réaliste, tu pourras pas mettre n'importe quelle texture, t'es obligé d'avoir un truc qui existe parce que du coup, tu vas tilter qu'il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Alors que quand t'as un truc cartoon, au final, bon, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, mais t'as beaucoup plus de liberté parce que l'œil, en fait, il est habitué au dessin animé, il est habitué aux possibilités physiques du dessin animé, qu'il n'y a pas vraiment de loi physique, en fait, tu peux faire n'importe quoi. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, quoi. Très bien. Merci en tout cas pour cette nouvelle leçon sur l'animation, en tout cas, sur la façon dont on fait un film d'animation, une séquence d'animation, c'est très très intéressant. On va pouvoir passer à notre dossier du mois, tout de suite. Donc le nouveau dossier, donc le dossier de ce mois-ci va être consacré en fait à la filmographie, en tout cas au travail d'animation qui a été réalisé par Katsuhiro Otomo. Donc Katsuhiro Otomo, on en parle parce qu'il a notamment reçu le Grand Prix du Festival d'Angoulême à la fin du mois de janvier dernier, donc c'est encore tout récent. Premier japonais en 42 éditions. Exactement, donc c'est une... classe un peu. Ouais, il y a eu une petite polémique aussi l'année dernière, je crois. Ouais, oui, parce qu'en fait... Sur Toriyama, ouais. Ouais. Il y a eu un l'année dernière, ils ont un peu changé le système de vote et du coup il y a eu un vote précédent qui était fait par les auteurs etc. et ils avaient élu Akira Toriyama. Et par contre le vote du comité habituel où c'est beaucoup de vieux etc. qui connaissent pas les japonais ou très peu à part Taniguchi et qui ont élu c'était Willem, c'est ça, et c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, et pour la 40e édition d'ailleurs. Et du coup ça avait fait scandale parce que les auteurs sur place avaient voté pour Toriyama et le comité, et notamment c'était par le biais d'un tweet de Lewis Trondheim qui disait que, parce qu'il fait partie du comité, qui disait que la plupart ne connaissaient pas, il y avait Alan Moore, également, y avait, ouais. Toriyama et puis Otomo, et qu'ils connaissaient pas ces auteurs, et du coup ils les avaient d'emblée éliminés en fait. Du coup, ça, pour compenser un peu, ils avaient donné le grand prix d'honneur spécial pour les 40 ans à Akira Toriyama. Et voilà. Mais du coup, cette année, c'est Otomo. Ils ont en quelque sorte réparé leur erreur, même si, voilà, et de toute façon, ça reste un prix et. Et il y a tellement d'auteurs qui le méritent chaque année que voilà. Mais c'est le premier japonais de l'histoire du Fauve d'Or à recevoir ce prix. Donc, cette distinction, donc c'est très très cool. Et puis Otomo, c'est peut-être avec Taniguchi le plus occidental des réalisateurs japonais, enfin des auteurs japonais. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Donc, voilà, comme tu l'as dit, en fait, puisque même si le Grand Prix du Festival d'Angoulême, ça récompense la bande dessinée sous toutes ses formes, le manga, le comics, la bande dessinée, etc., bande dessinée franco-belge, faut savoir que donc Katsuhiro Otomo est évidemment connu pour son travail, son œuvre, notamment papier, qui est Akira. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son travail dans l'animation parce qu'il a finalement fait pas mal de choses. Il a un CV assez important, assez dense, en tout cas en ce qui concerne son travail dans l'animation, sur différents postes d'ailleurs, hein, puisqu'il n'a pas été uniquement réalisateur, mais ça, on va le voir juste après. Et donc l'animation qui occupe un pan vraiment important de son travail, hein, en plus du manga, comme on a pu le voir précédemment. Alors, faut savoir en fait qu'en plus de son dessin, il a notamment participé, il a travaillé sur des films, on va dire, dits traditionnels, c'est-à-dire en prise de vue réelle. Et en fait, lui, il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas toutes les libertés qu'il voulait avoir sur un film d'animation, comme il avait pu le voir auparavant sur d'autres œuvres. Et de fait, il s'est notamment tourné vers l'animation pour pouvoir faire ce qu'il ne pouvait pas faire avec des vrais acteurs, hein, notamment sur des mises en scène. Qu'il avait pu faire auparavant. Alors, ses premiers pas dans l'animation, on en parle rapidement, c'était en 83 sur le film Armageddon, où on retrouvait à la réalisation un vieux de la vieille, puisque c'est Rintaro qui a travaillé sur énormément de productions japonaises, et Otomo en fait a travaillé sur ce film, sur la conception graphique ainsi que sur le storyboard. Un des premiers points marquants de son œuvre, c'est notamment en 1987. Avec l'omnibus Mani Mani, donc un omnibus en fait, c'est la réunion de plusieurs courts-métrages pour en former un long court ou moyen. court Parce que là, on est moyen-métrage. plus sur des formats un peu plus longs. Voilà, et donc Mani Mani, c'est trois courts-métrages. Il y a donc Labyrinthe, Le Coureur, Stopper le Travail. Notamment, c'est sur Stopper le Travail qu'a travaillé Otomo. Les deux autres, alors de mémoire, Le Coureur, je crois que c'est Kawajiri, donc qui a notamment réalisé Ninja Scroll. Donc c'est pas un bleu, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Il a travaillé sur pas mal de choses également. Donc on va le revoir plus tard parce qu'il va recroiser à plusieurs reprises Otomo sur différents travaux. Et donc toi, Tuntun, tu as vu son court, en tout cas son moyen métrage, Stopper le Travail. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, déjà, pour cette première œuvre d'envergure, hein? En fait, on retrouve tout ce que va être la carrière d'Otomo derrière dans l'animation et tous ses thèmes, enfin, un de ses thèmes favoris, c'est-à-dire la robotisation du monde et l'avancée technologique et la place de l'humanité dans cette avancée technologique et les dysfonctionnements qui peut y avoir par rapport à ça. Et voilà, dès le début, c'est un thème fort de l'œuvre d'Otomo et ce premier segment, on va dire, est déjà très très réussi dans la mise en scène, techniquement aussi. C'est déjà très abouti pour une première réalisation. Voilà, et ça augure bon, on va dire, pour la suite et notamment pour ce qui arrive 2 ans plus tard. Même un an plus tard, parce que c'est en Même un an, oui, 88. pardon. Alors, quand je donne les dates, c'est plutôt les dates au Japon, hein, parce qu'il y a toujours un décalage. Ouais, nous on va pas compter parce que ça fait trop long sinon. C'est pas faux. Ah oui, alors juste avant, pardon, tu as raison, parce qu'en fait, la même année, il a travaillé sur l'opening et l'ending de l'omnibus, toujours Robot Carnival. Ouais, et ça montre un autre truc de la carrière d'Otomo et qu'on voit directement, c'est qu'il aime bien travailler en équipe, il s'entoure de beaucoup de personnes dès le début qui vont le suivre pendant toute sa carrière, et avec qui il va collaborer toute sa carrière, et qui eux-mêmes seront des gens particulièrement reconnus dans leur domaine. Je pense à Rintaro, je pense à Koji Morimoto, enfin il y a plein de réalisateurs comme ça qui, enfin réalisateurs, animateurs, etc. qu'on retrouve dès le début sur Robot Carnival et sur Mani Mani, qu'on retrouvera par la suite et qui font que Otomo est un est quelqu'un qui sait bien s'entourer et qui a besoin d'être bien entouré. On peut rajouter aussi le fait que plus tard, c'est lui qui va pousser aussi, qui va coopter d'une certaine façon Satoshi Kon sur le film Perfect Blue. C'est ouais, c'est Satoshi Kon qui fait sa son premier travail sur un long métrage sur Rujin Zen d'ailleurs. Exactement. Qui il est très lié, on va dire, les deux sont assez liés dans leur travail sur ce qu'ils ont pu faire ensemble. En fait, c'est toute cette génération qui est très liée et en quelque sorte Otomo c'est le fer de lance de toute cette génération justement. Et qui a permis de par Akira et tout ce qu'il a fait d'autres qui a permis justement à des Satoshi Kon ou Mamoru Oshii ou des gens comme ça d'exister. Exactement, donc du coup tu parlais d'Akira, on va y aller tout de suite. Donc dès 88 sort au Japon Akira. Donc Akira c'est un c'est un choc, on va dire, entre guillemets, puisque bon, on connaissait déjà le manga, le film a été réalisé pendant que le manga était en cours, hein, c'est plus une adaptation en tout cas où on va dire Otomo essaie de retranscrire une majeure partie des éléments qu'on peut trouver dans le manga, même si c'est évidemment réduit parce qu'on est sur un film de 2 heures et non pas sur 6 tomes dense d'un manga. Alors première chose déjà, c'est le budget qui est assez énorme pour l'époque, puisqu'on parle notamment pour le Japon, on parle de 11 millions d'euros, de dollars pardon, en retranscription par rapport au yen, donc de l'époque, ce qui est assez important. Et voilà, forcément Akira, il y a énormément de choses à dire dessus. C'est du réalisme aussi déjà pour commencer au niveau du dessin. Il y a une vraie volonté aussi de se démarquer un peu des codes de l'animation, des codes du manga japonais de l'époque. Déjà la partie manga que l'on découvre est un véritable storyboard. C'est très dynamique sur le papier, et ça se retrouve également au niveau du film, hein, déjà ne serait-ce que par la séquence d'intro, à partir du moment où le jukebox est allumé et que le jukebox justement lance la course-poursuite, hein, avec des magnifiques effets de lance-flare sur les feux arrière des véhicules. Hein. Donc c'est tout ça, c'est un film qui est très pessimiste dans son approche, puisqu'on est la Troisième Guerre mondiale a eu lieu et forcément il y a une certaine anarchie qui se développe au niveau du Japon et une certaine volonté par le progrès technique de trouver une solution, une arme absolue pour pouvoir reprendre les choses en main de la part du pouvoir, qui font que on arrive au résultat des expériences sur Tetsuo et qui vont évidemment mal tourner pour lui comme pour les autres protagonistes de l'histoire. D'ailleurs, on y arrive bientôt si je dis pas de bêtises, parce que c'est 2019. Ça se passe après des Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Au Japon, c'est ça. Ouais. Alors, je sais plus si c'est 2019 ou 2022. Parce que là, les JO c'est 2020. Ouais. Au Japon. Donc on sait jamais, peut-être que dans 10 ans... Oui, enfin on l'espère pas, parce que bon, vu cette vision négative... Bah, arrête, ouais. C'est cool, c'est cool, les on aura des motos sont dans la même classe. Bah ouais, carrément. Ah, la moto est ultra classe. Toi, qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, du coup, quand tu l'as vu, Chronos, hein, Akira? Alors moi, du coup, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, parce que bon, malheureusement, j'ai dû rattraper mon malheureux retard avec ce truc-là. C'était il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Ouais. Bon, j'ai lu le manga juste avant pour aussi rattraper mon retard. Non, franchement, ce que j'ai trouvé hallucinant aussi, c'est vraiment la qualité graphique. Le film, il a quoi? Il a presque... Il a 26 ans, ouais. Presque, ouais, 26 ans, et je trouve qu'il a pas vieilli, quoi. En termes de qualité graphique, en termes d'innovation, avec tous ces effets de FX, c'est juste hallucinant, en fait. Ce que je trouve bien, justement, c'est, c'est peut-être le premier film japonais qui a réussi à montrer à l'Occident en fait que eux aussi ils arrivent à faire de l'animation de long métrage avec une qualité hallucinante en fait, et c'était pas gagné parce que quand on voit les séries même aujourd'hui, et bah forcément le rythme de travail est un peu plus compliqué, ils sont obligés de faire ça en 12 images par seconde et du coup ils peuvent pas se permettre des choses comme le long métrage, et c'est vrai que Akira montre, voilà, c'est comme si le Japon posait ses couilles sur la table et il disait voilà ce qu'on va faire en animation quoi. Surtout que tu te dis il fait ça avec 11 millions de dollars quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, les nouveaux héros, ça coûte 200 millions ou un truc comme ça. Bah après, les budgets, on peut pas forcément les comparer parce que tu prends par exemple Albator n'a coûté que 30 millions de dollars. C'est 30 millions, c'est énorme, mais ouais, le cinéma japonais est nettement moins cher parce que notamment parce qu'ils payent leurs animateurs en lance-pierre, mais voilà. Mais le cinéma japonais est nettement moins cher, c'est clair. Mais même 11 millions, c'est rien du tout pour un truc qui est encore aujourd'hui une référence. Tout à fait regardable, ouais, complètement. Et qui a très peu vieilli, quoi, techniquement, il reste hallucinant. Il n'a pas à pâlir de ce qui se fait maintenant, quoi. C'est bluffant. Pour avoir eu la chance en plus de le voir comme toi, Toontoon, il y a 2 ans. C'était l'année dernière. C'est l'année dernière, pardon. On a fait une chronique dans Celluloid. Exactement. Ouais. On a eu la chance de le revoir au cinéma. Ouais. Et c'est juste, alors en plus, parce qu'on parle évidemment de l'image, mais évidemment le son. Ouais. Et le son, évidemment, ça avait été retravaillé un peu, mais ça, on garde quand même cette puissance-là. Et ça restait. Les musiques sont juste magnifiques, quoi. Je vous conseille l'album Symphonie Suite Akira qui est juste énorme. Après, faut avoir vu le film pour pouvoir vraiment apprécier, je pense, la BO pour comprendre un peu ce niveau-là, tout en percussion. Parce qu'en plus, c'est un groupe assez... Alors j'ai pris le nom tout à l'heure, finalement je l'ai oublié. Et c'est un groupe qui fonctionne de façon... comment dire, très très pas bizarre mais inhabituel, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un autre métier à côté, qui travaillent, c'est une espèce de chorale en fait, et ça change assez régulièrement, et ça c'est ça qui participe aussi à cet effet de groupe qu'on a dans la musique, et cet effet de foule où beaucoup de voix participent, des percussions, c'est très très synthétique aussi, avec un espèce de côté futuriste qui marche très bien, ouais. Et c'est Geno Yamashiro Gumi. Voilà, c'est ça. C'est qu'on te triple Scrabble au Japon. autre chose aussi, moi je trouve ça toujours assez dingue, c'est l'animation. Alors on va parler d'animation spécifique, puisqu'en fait ils ont enregistré les dialogues avant que le film ne commence, avant que la production du film ne commence réellement. Ce qui fait qu'on a, alors notamment en japonais. Comme sur Astérix. Voilà. Ouais, oui, si tu veux. Enfin, c'est le signe des grands. Quand même 25 en avance, quoi. Donc, c'est le signe des grands. Ouais, exactement. Donc, pour vous dire en fait que l'animation des lèvres colle le plus juste avec les dialogues, et c'est assez perturbant en fait, je trouve, la première fois quand tu le vois. C'est parce que tu l'as vu en VF, c'est pas. Alors, je l'ai vu la première fois en VF. Non, mais c'est vrai. Non, mais après. C'est normal aussi parce que en VF, ben du coup, t'as pas la synchro labiale. Bah c'est pas voilà, c'est là où il y a, on va dire, un peu plus de marge d'erreur entre guillemets pour que ça passe sur d'autres films. Sur Akira, c'était tellement calé que finalement le choix était pas forcément évident en termes de choix des mots pour les dialogues. Mais moi je trouve l'idée géniale du coup de pouvoir faire d'être au plus juste, d'être le plus réaliste possible, aussi bien sur le dessin que sur ces dialogues là quoi. C'est vraiment impressionnant parce qu'en plus ils ont une façon j'ai l'impression d'ouvrir notamment j'ai l'impression qu'ils ouvrent la bouche plus grand que sur d'autres films, et c'est ça qui est assez bizarre dans l'absolu, mais bon, c'est Après, pour moi, je trouve ça vachement important aussi. Disney Pixar, ils le font aussi, je crois. Ils enregistrent les dialogues finaux avant et ils animent par-dessus, il me semble. Si je dis pas de c'est possible. Je peux pas te confirmer. Parce que je trouve ça quand même assez délicat, justement, d'animer sur des dialogues qui sont pas terminés. Mm. Et je trouve ça presque logique, en fait, de faire ça. Parce que du coup, ça... Après le problème c'est que le film va risque d'évoluer aussi en cours de production. C'est du one shot quoi, faut surtout pas changer les dialogues, mais ou alors peut-être mettre des petits ajouts, des choses comme ça, mais après quand tu animes, c'est vrai que c'est bien d'avoir l'intonation du doubleur, d'avoir son ressenti, etc. Exactement. C'est important. Parce que si t'as qu'un simple texte, en fait, le texte, bon ben très bien, tu pourras t'imaginer ce qu'il va dire, mais là, du coup, si t'as déjà l'intonation du personnage, de l'acteur, et ben ça sera peut-être du coup ça permettra de coller au plus juste par rapport à ça, et bon enfin bref, c'est plutôt intelligent, je trouve, d'avoir fait ça sur ce film là en particulier. Parce que ça peut aussi très bien marcher sur d'autres films sans souci, mais ça montre un peu le côté perfectionniste de la chose, je trouve. Ouais, c'est ça le plus important, et quand tu vois que Akira c'est son premier long métrage et c'est seulement son troisième en tant que réalisateur, troisième projet en tant que réalisateur, et que tu vois à quel point il est perfectionniste et à quel point il cherche, enfin c'est plein de détails, c'est riche dans absolument tous les domaines, que ça soit l'animation, que ça soit le son, la mise en scène, c'est ultra pointu et en même temps c'est malgré tout assez facile d'accès, je trouve. Enfin, c'est pas si facile d'accès que ça, mais vu le propos, vu le sujet, etc. C'est quand même relativement accessible, quoi. Et ça montre que l'animation n'est pas faite que pour les enfants. C'est-à-dire que surtout à l'époque. Surtout à l'époque, et ça a été un vrai séisme partout dans le monde, en fait, alors que chez nous, il n'y avait que... Disney. Non, mais c'était... au niveau de l'animation japonaise, c'était Albator, c'était... Oui, Candy. Voilà, 88, il n'y avait pas encore Dragon Ball, il n'y avait pas encore tout ça, et il y avait à peu près pas grand-chose. Et c'est ça qui est balèze, c'est que même chez nous, à ce moment-là, on l'a reconnu en tant que vrai film et en tant que vrai manga aussi, vrai BD, parce que à ce moment-là, c'est sorti aussi chez nous. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que partout dans le monde, tout d'un coup, tout le monde s'est pris Akira dans la face et ça a marqué absolument tout le monde, quoi. Ouais, c'est et ça continue de marquer d'ailleurs. Ça reste une référence évidemment aujourd'hui encore. Et déjà de par son travail, parce que le manga était déjà fascinant, et de le voir en animation, c'est assez impressionnant. Je pense que les deux sont complémentaires, et tu peux pas voir Akira et ne pas le lire, et inversement. Oui. Et c'est là où encore une de ses qualités, c'est que parce que tout ce qu'il a fait au cinéma. Ou en tout cas en animation, ça vient à la base, ou après pour Rujin Z, ça vient du papier à la base, et à chaque fois c'était complémentaire, à chaque fois il arrive à tirer parti du support, de la spécificité du support de chaque. On peut parler vite fait y a évidemment plusieurs éléments qui parlent, notamment au niveau des thèmes abordés, puisqu'on a évidemment un monde qui a l'air de tirer sur sa fin, notamment par rapport à ce que je pouvais évoquer au début de cette partie sur Akira, puisqu'on les scientifiques, les militaires travaillent sur une solution pour avoir une sorte d'arme ultime pour mettre fin à cette zizanie, anarchie qui peut se développer. Donc on a toujours ce thème très pessimiste, que l'on verra de toute façon par la suite encore hein, sur d'autres films sur lesquels a travaillé Otomo, avec toujours ce milieu urbain qui est où la ville tient une vraie place en tant que personnage, je dirais pas principal, mais en tout cas personnage important, puisqu'on évolue énormément. On voit énormément de parties de la ville, du stade olympique, en passant par le laboratoire caché juste à côté, en passant par le pont qui se désagrège sous la puissance du combat entre Akira et les entre Tetsuo, pardon, les autorités. Et donc c'est tout ça qui fait voilà qui met aussi en avant cette et qui personnifie on va dire ce côté pessimiste de la chose parce qu'on sent très bien que même s'ils n'arrivent pas à rattraper Tetsuo, en tout cas à le contrôler, ils vont essayer de mettre fin à son, ils vont essayer de l'arrêter, en tout cas de le détruire si nécessaire pour repartir sur autre chose. Mais ce sont des thèmes qui sont très très voilà, on a l'impression qu'il n'y a aucune solution en fait, aucune solution pérenne pour redonner un peu d'allant à cette société là. La solution est, et vous en parliez au début, enfin pas au début mais en off, c'est la destruction pour la reconstruction quoi. Oui c'est ça. Destruction créatrice. Hein. C'est bah, ouais, c'est un peu ça. C'est en gros c'est tout raser pour reconstruire sur des basses scènes. C'est, ouais. C'est un peu l'idée de ces films en général. Et du coup mettre en avant les enfants. Qui sont l'avenir, et ça apparaît plus dans Steam Boy d'ailleurs qui apparaît par la suite en fait, mais ouais, c'est un truc récurrent chez lui quoi. C'est une vision très pessimiste hein, parce que bon, peut-être moins dans Steam Boy, c'est peut-être moins l'apocalypse, mais en gros, c'est genre le monde est foutu, il n'y a plus rien à sauver, donc on va juste le laisser exploser pour revenir en force en fait, et pour essayer de revenir sur des basses scènes. Et ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, c'est très pessimiste, mais il y a quand même cette toute petite dose d'optimisme. C'est que ceux qui ont déclenché cette espèce d'apocalypse, etc., très souvent dans ces films, ils s'en rendent compte. Et c'est eux qui mettent fin à ça et qui détruisent le reste. C'est très clair dans Steam Boy, ça l'est aussi dans Akira et dans Rugen Z aussi. Et c'est à chaque fois il y a cette toute petite dose d'optimisme à la fin, et en tout cas je sais pas si on peut dire d'optimisme, mais cette prise de conscience, cette prise de conscience ouais. Voilà, juste avant la fin, et qui fait que à la limite on peut repartir sur des basses scènes quoi. Puis, juste pour finir sur Akira, il dépeint aussi une société dans toutes ses strates qui est vérolée, parce qu'on part des vendeurs d'amphétamines au fond, dans un bar miteux, en passant par les hommes politiques, en passant par l'armée, tout le monde évidemment prend pour son grade, et tout le monde finit souvent de façon sinistre. Ils meurent tous, en tout cas pour suite à leurs actions quoi. Je veux dire, l'homme politique dont j'ai oublié le nom. Finit de façon tellement triste que voilà, on a envie de se dire bien fait pour lui, parce qu'il a tellement il représente tellement les côtés négatifs Non mais ouais, c'est vrai, mais c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, c'est... Je caricature un petit peu évidemment, mais le film est comme ça quoi, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il a pu faire, par rapport au fait qu'il a pu engrainer des gens dans sa chute, et ben il finit de façon petite, et finalement à la mesure de ce qu'il a fait quoi. C'est encore plus vrai dans on le verra après, mais dans un des deux courts, dans un des trois courts métrages de Memories, là, celui avec la bombe puante, l'armée est un peu vue comme des branquignoles quoi, c'est un peu des guignols. Alors, je vous propose donc de passer du coup, sauf si vous aviez quelque chose à rajouter sur Akira. C'est génial, non, c'est bon. Voir. Oui, c'est génial. À voir en VO pour la synchro labiale. Ouais. Tout à fait. On va passer à Rugen Z. Alors, sur Rugen Z. C'est chiant à dire. C'est pas évident, hein. Rugen Z, ça passe. Où il est scénariste. Uniquement sur ce film-là, et alors ce que j'aime bien, c'est que finalement le film est assez drôle, puisque voilà, on va là du coup, c'est le thème de la gestion de la vieillesse dans les sociétés contemporaines qui est mis en avant, puisqu'on découvre notamment, en fait, un grand-père qui n'a même plus de famille, puisque sa famille ne s'en occupe plus. C'est une jeune aide-soignante qui vient le voir tous les jours pour faire sa lessive, pour le changer, pour s'en occuper tout simplement. Et en fait, le comment dire, l'administration, les pouvoirs publics semblent avoir trouvé une solution pour que les personnes âgées puissent être autonomes entre guillemets, parce qu'une sorte de lit qui fait tout, c'est-à-dire qui lave, qui habille, qui nourrit. C'est un lit médicalisé du futur, quoi. C'est ça. Sauf que ce qu'on sait pas au début, c'est qu'en fait, c'est pris l'origine, c'est sur un budget de l'armée, donc ils ont caché ça, ils ont un peu essayé de magouiller pour développer en même temps que le lit des différentes applications qui pourront servir plus tard dans le domaine militaire, et ce qui donne des scènes assez savoureuses dans le film. D'ailleurs, j'ai l'impression que Katsuhiro Otomo adore faire détruire des couloirs, un peu comme ce qu'il faisait dans Akira, lorsque Tetsuo s'enfuit de sa prison. Là, il y a un peu la même chose quand le lit sort littéralement de sa chambre et passe au niveau inférieur pour continuer sa poursuite. Et ça, c'est pas forcément, ce n'est que supputation. Péter, en fait. Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, du coup, par rapport à Rudy Z? Moi je le trouve très cool, et en effet il aborde un thème qu'il n'aborde pas ailleurs, si il me semble, et qui est pourtant très important, notamment au Japon, où il y a beaucoup de personnes du 3e voire du 4e âge, comme ils disent dans le film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'eux, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et qui est un terme important et qui nous touche de plus en plus en France, et qui est assez tabou, on va dire. Et en plus, il y a ce côté qu'il aime beaucoup et qu'il avait déjà abordé auparavant, l'évolution technologique et notamment les robots. Et le comment dire, l'évolution des robots, un truc dont il parle de temps en temps par petite dose, c'est les robots qui apprennent par eux-mêmes, en fait, c'est-à-dire ce qu'on essaye d'atteindre dans le futur, c'est que ils développent, ils apprennent, mais c'est ça, en fait, c'est qu'ils apprennent, par eux-mêmes, comme si c'était des enfants. On leur montre les choses et ils apprennent de cette façon. Et c'est un peu ce qui se passe là, ce qui se passe dans d'autres cours qu'il a réalisés. Et qui touche un thème récurrent de la robotique, c'est-à-dire le... est-ce que les robots peuvent avoir des sentiments, etc. Et voilà, c'est très très bien fait. Il est très drôle. Il est beaucoup plus que ce qu'il a pu faire sur Akira notamment. Du coup, ça change un peu. Il est assez proche dans le ton de La Bombe Puante, justement, sur Memories. Et voilà, il est super intéressant techniquement, et il a des passages assez ouf sur la fin, notamment où il kiffe toujours ce truc des tuyaux dans tous les sens. Et enfin, là c'est pas lui qui réalise, mais bon, on sent clairement que c'était un peu un trip de l'époque, de foutre des trucs mécaniques avec des tuyaux, des trucs comme ça dans tous les sens. Mais voilà, c'est un film vraiment cool. Et le passage du tunnel qui fait lien, je trouve, avec... alors, je pense pas que ce soit fait exprès, mais avec La Bombe Puante dans Memories. Ouais. Justement, j'ai pensé à ça, parce que je les ai vus dans la même journée, d'ailleurs, je crois. Un jour d'écart. Et du coup, j'ai vraiment fait le rapprochement entre les deux films. Et il y a pas mal de points communs, je trouve. Et voilà, c'est super intéressant. Et c'est un très bon film. Alors on va passer 4 ans plus tard, en 95, avec justement Memories, parce qu'on l'a cité pas mal de fois depuis le début de ce dossier. Alors, faut savoir que Memories, donc, c'est un omnibus qui met en lien, il n'y a pas forcément de lien en plus, mais qui met ensemble trois moyens-métrages. Alors, faut savoir qu'à l'origine, ça devait être une série de trois OAV, Donc, des OAV sont des original animations vidéo, c'est-à-dire que ce sont des séries qui sont prévues uniquement, qui étaient prévues à l'époque uniquement pour le marché de la cassette et du DVD. Et donc, au final, on a retrouvé, de fil en aiguille, en fait, on a retrouvé le film d'animation tel qu'on le voit aujourd'hui. Et à la base, c'est les trois segments de Memories ce sont des BD d'Otomo, justement. D'Otomo. D'ailleurs, bah, Otomo derrière les trois scénarii. On retrouve, il y a la Rose Magnétique, il y a la Bombe Puante, justement, il y a Chair à Canon, donc Chair à Canon, le dernier, qui a été réalisé par Katsuro Otomo. On peut revenir peut-être rapidement sur les deux autres, sur la Rose Magnétique, c'est marrant parce qu'ils sont tous en plus dans des univers assez, bah, dans des univers totalement différents et dans des animations, dans des mises en scène totalement différentes aussi. Le design est très différent, notamment entre la Rose Magnétique et la Bombe Puante, et même Chair à Canon, Chair à qui Canon, ouais, c'est le plus différent des autres. Il a vraiment une esthétique particulière. Ouais, je trouve que ça me fait penser à du Tardi chez nous. Ouais, C'est très européen. il y a un côté ouais très européen, très très BD Ouais, française. ça m'a rappelé le travail de Sylvain Chomet, des Oui, Triplettes de ouais, Hauteville. ouais, ouais, ouais. Puis avec l'esthétique qui fait un peu soldat de la Première Oui, Guerre, mais en plus. ouais, y a vraiment un truc de particulier. Alors, rapidement, donc la Rose Magnétique, c'est une histoire qui est très belle mais tragique en même temps. Il y avait un côté alien du coup là-dedans, parce que c'est une équipe de ramasseurs d'ordures dans l'espace qui reçoit un signal d'SOS depuis un coin un peu perdu, mais comme ils ont l'obligation évidemment de répondre aux SMS, de répondre aux SOS, pardon. Et d'aller voir ce qui se passe. Donc du coup ils y vont et ils se rendent compte que ils sont dans un bâtiment comment dire, de très bien décoré, très bien arrangé, mais que mis à part des robots il n'y a personne, mis à part des robots et des hologrammes. Mais en fait ils se font on se rend compte au final que vous verrez ce qui se passe, parce que je vais pas vous raconter la fin non plus, mais c'est assez bien foutu, assez prenant même au niveau de l'ambiance, qui est vraiment particulière. On suit ces deux personnages dans leur découverte de ce vaisseau perdu. Et ça met encore en avant le thème que Otomo aime bien, c'est-à-dire de l'IA qui prend une part d'humanité et qui fout un peu le bordel, en fait, et voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, Oui. j'ai lu un truc intéressant sur la Rose Magnétique, c'est que le côté diva de l'IA, etc., le italien et tout, c'est Satoshi Kon qui l'a amené, parce qu'il est arrivé en cours de réalisation, en cours de production, et il a amené cette idée justement de cantatrice. C'est marrant, c'est totalement son style. Ouais, c'est Dans un clair. style de réel. Ça fait penser un peu à Millie Ouais. notamment. On va passer du coup pardon, au deuxième court-métrage, donc La Bombe Puante, on en a déjà parlé. Alors du coup, ça contrebalance totalement avec le précédent, parce que c'est très humoristique. Dans le traitement, ouais. Dans le traitement, Après, dans le c'est... Voilà. fond. Ouais, dans le sujet, c'est quand même assez grave, quoi. C'est... Surtout qu'en plus, c'est... Bah vas-y, je te laisse raconter l'histoire rapidement, non? En fait, c'est dans un Et laboratoire t'as de lâché une campagne. bombe puante là. Non, ça va, non, mais justement, ça se passe Non, dans ça un serait bon qu'on en laboratoire parle. de campagne, voilà, où des scientifiques sont entassés. Il y en a un qui est malade, qui a un rhume, en fait, tout simplement. Et donc, il y a un de ses collègues qui dit, bah, va voir, ils ont créé un produit contre le rhume. C'est encore en cours de traitement, en cours d'essai, on va dire. C'est pas encore validé complètement, mais bon, vas-y, c'est dans une fiole bleue, c'est des pilules rouges. Bon, voilà, il va voir, il trouve le truc, il en prend une, et puis là, il y a son son chef de son, le directeur on va dire de l'endroit qui cherche justement cette personne-là qui allait s'endormir. Et en fait, il se rend compte qu'il aurait jamais dû prendre cette pilule parce que c'est une sorte de bombe à retardement. C'est-à-dire que la personne qui en prend une, en fait, émet une très forte odeur, façon pépé le putois, mais puissance 10 000, quoi. Et ce qui fait que quand le supposé, le présumé malade, bah, qui était malade, hein, se réveille, il se rend compte que tout le monde est tombé et mort en fait, hein, dans le laboratoire et du coup il doit ramener la formule et les médicaments au niveau du QG à Tokyo. Et c'est au fur et à mesure que les mecs se rendent compte que c'est lui qui tue, on va dire de façon indirecte les personnes qu'il va croiser et même de très loin, et ce qui va entraîner une réaction en chaîne au niveau des armes pour essayer de l'anéantir. C'est une montée crescendo de, enfin ça, ouais. Ça veut dire la même chose, une montée crescendo. C'est une montée en puissance de justement de la réplique armée du Japon et des États-Unis. C'est assez drôle la façon dont c'est amené et la façon dont ils y arrivent pas. Mais du coup, c'est aussi vraiment tragique, et dans le fond, c'est extrêmement pessimiste, et c'est peut-être le truc le plus pessimiste de Memories, et voilà. Et en même temps, il y a ce côté, moi j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça très, très amusant, c'est que, en effet, le gaz qu'il produit, il tue les gens, mais il fait fleurir autour de lui. Et ça, c'est... j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, on rentre vraiment dans la thématique, on détruit puis on reconstruit, mais genre en 30 secondes, quoi. C'est ça. C'est direct. Mais après, ce court-métrage, moi j'ai trouvé drôle, mais par contre, il m'a vraiment énervé parce que bah, c'est plus mon cas, parce que dans l'histoire, le héros qui se ramène pour ramener les médicaments, il sait pas que c'est lui qui provoque le. Ouais. Qui provoque les morts, et alors que pourtant t'as genre 1 milliard d'indices autour de lui qui dit que c'est lui, mais le mec il comprend pas, quoi. Et surtout que le mec est laborantin, quoi, à la base. Ah oui, c'est ça. Et moi à chaque fois pendant le court-métrage, je me dis mais il est con ce mec, il est vraiment con, c'est vraiment con. Et ça m'a sorti du film bout, un petit peu. Ah oui, jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, quoi. Et c'est hallucinant. Voilà, oui, bah c'est vrai que bon. C'est assez frustrant, il y a toujours cette petite musique en plus qui est assez drôle. Oui, en plus. Comme une sorte de leitmotiv qui revient assez régulièrement, et avec un final assez, bah, assez marrant, mais tragiquement marrant. Et du coup, bon, voilà, on sent qu'il y a un peu un côté World War Z, mais juste avec des hommes en fait, et une mauvaise odeur. Voilà. On va passer au dernier film, en fait, le dernier film qui s'appelle Chair à canon et qui a été réalisé par Otomo lui-même. Alors, la caractéristique technique de Chair à canon, c'est que c'est considéré comme un unique plan séquence, hein, ce qui est pas forcément vrai, parce qu'il y a des... Oui. Otomo utilise des petites astuces. Il triche un petit peu, mais bon, dans l'idée, c'est ça qu'il voulait faire. Oui, exactement. Après, voilà, il arrive toujours à retomber sur ses pieds. Ouais, c'est quand même assez ouf au niveau de la... Ouais, carrément. Et donc ça se passe dans un monde, dans un pays, dans une dictature, hein, où les gens en fait n'ont que pour seule vocation de tirer des obus et de on va dire de créer de A à Z les obus, de s'en servir eux-mêmes contre une nation que l'on ne verra jamais, que l'on ne connaît pas. Et c'est une sorte de façon de garder la population concernée parce qu'on veut leur faire faire par obligation. Il y a tout de suite une très grande... On pense forcément à l'imagerie soviétique avec Lénine et Staline. Notamment, on retrouve des affiches qui font vraiment penser à ce style-là, où tout le monde est tourné vers un seul et unique but dans une scénographie assez, assez grandiloquente. Moi ce qui m'a fait très rire dans le film, parce qu'en fait au final on suit la journée de travail d'une famille, donc le père est là pour il travaille dans le service où il tire les obus, la mère construit les obus et le fils est à l'école pour apprendre notamment de quelle façon être le plus efficace sur le calcul de la trajectoire d'un obus. Donc voilà, c'est pas forcément le truc le plus génial du monde, mais moi ce qui m'a fait marrer en fait c'est Il y a les différents niveaux de commandants, en fait. Il y avait un commandant pour sur la plateforme de tir, un commandant pour gérer la descente de l'obus, etc., etc. C'était assez ridicule, justement. Et le généralissime, en tout cas, le grand patron qui vient à chaque fois de la même façon, qui jette sa cape à chaque fois, donc le budget cap devait être assez important. Pour simplement tirer un obus sur finalement une espèce de no man's land, parce qu'on en face on aperçoit quelques images, mais c'est seulement une sorte de terrain vague. Et on sait qu'en fait c'est une ville volante, une cité volante. C'est dit dans le. D'accord. Oui. Voilà. Donc c'est encore plus ridicule, quoi. Oui. Donc voilà, c'est assez voilà. Après l'animation est, comme on l'a dit tout à l'heure, est assez singulière parce qu'on est on est très loin de déjà des deux films précédents et le style graphique est assez assez détonnant, on va dire, par rapport à franchement on nous présente ça. Alors il y a des éléments qui, des indices qui pourraient nous le faire penser, mais on pense pas forcément à de l'animation japonaise en premier lieu, quoi, par rapport à ce qu'on connaît d'eux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous d'ailleurs. Oui, moi je l'ai, enfin c'est peut-être mon préféré des trois, parce que il est court mais dense, on se rend bien compte du truc et de l'absurdité de la situation, quoi. Ouais. Et voilà, et je le trouve très marquant, il est assez impressionnant au niveau de la réalisation, le côté un peu prise de conscience avec le père et le fils, lui, qui, alors là du coup c'est un peu l'inverse de ce qu'on a d'habitude, c'est que le père, à force de la routine du truc et tout, il se rend compte que c'est pas une solution et que ils vont droit dans le mur, et le fils, lui, par contre, il est à fond dans le truc, il est endoctriné et c'est clairement pas par lui que viendra la prise de conscience. Donc c'est assez c'est l'inverse de ce qu'il y a d'habitude, en fait. C'est clair. Quelque chose à rajouter par rapport à ça, Chronos? Non, bah après moi pour le coup j'ai préféré plus la rose mythique parce que je suis un peu plus attaché à l'histoire de celui-là. Mais c'est vrai que le char à canon est vraiment visuellement le plus intéressant, le plus dense aussi. Mais c'est surtout que du coup au niveau de l'univers, t'as juste envie d'en voir plus, en fait. Ça fait presque un simple prologue d'une histoire qui aurait pu être sur un long métrage au final. C'est pas faux. Parce que du coup il présente vraiment un background assez dense, assez oui. singulier, et c'est vrai qu'on aurait aimé en voir un peu plus, parce qu'au final le court métrage se résume vraiment à comme tu l'as dit, une journée de la vie de la famille. Mais ça, voilà. Pour le coup, j'ai surtout vu la performance technique. Je l'ai surtout retenu pour ça plutôt que pour son histoire au final. Mm-hmm. Juste pour Oui, vas-y, vas-y. Alors, est-ce que j'avais terminé, donc c'était quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais, c'était juste pour dire que là, je viens juste d'y penser. Mais le coup du général qui va appuyer sur le bouton et tout, et la façon dont il se déplace, etc. Ça me fait penser au roi dans Le Roi et l'Oiseau. Et c'est juste ça. En fait. Ah, pas faux, ouais. Il y a un peu de l'idée. Je voulais juste finir pour terminer, avant de passer à la suite. Hein. Pour l'histoire, en fait, c'est que l'animation a été réalisée donc, au studio 4C, avec la participation également du studio Madhouse et du studio Ghibli, qui ont travaillé sur ces films-là. Et studio 4C, qui est... Enfin, il a... beaucoup travaillé avec Studio 4C et Madhouse. Ouais. C'est vraiment les deux studios pour lesquels il a le plus bossé, en fait. Travaillé, ouais, exactement. Très bien. Alors on va passer tout de suite à 2002, donc ça nous ramène 7 ans plus loin, notamment pour l'adaptation de Metropolis. Alors Metropolis, c'est un manga de Osamu Tezuka. Et sur lequel on retrouve la paire Rintaro et Katsuhiro Otomo, donc Rintaro à la réalisation et Otomo au scénario. Alors évidemment, ça se voit tout de suite, en tout cas dans le fond, parce que dans la forme on retrouve un côté très très classique, très manga Tezuka, avec des personnages aux formes très rondes, aux yeux vraiment symboliques du dessin de Tezuka. Et en fait, à l'origine, on suit une enquête qui va se lancer sur notamment sur Metropolis. Alors Metropolis, en plus, c'est une ville qui est assez quadrillée dans le sens où vous avez cette espèce de tour centrale qui porte le nom de la ziggourat, hein, on va dire où se situe le pouvoir central justement. Et après, vous avez plus on descend, plus on arrive sur les personnes de moins en les populations de moins en moins riches en fait. Et du coup, le troisième niveau, c'est le niveau le plus bas. Et où on trouve les damnés, les gens qui sont un peu, on va pas dire asociaux, mais qui sortent du rang et qui sortent du moule que veut en faire la société. Donc on va suivre en fait finalement le lien en fait, la relation entre les deux personnages principaux qui sont deux enfants, donc entre un humain et un cyborg, un robot. Et c'est notamment ce robot qui va faire le lien de toute l'histoire, parce que c'est une sorte de clé de déclenchement pour remettre, on va dire, le monde à zéro, c'est-à-dire faire disparaître les moins bons, en tout cas ceux qui rapportent le moins à la société, pour repartir sur une base nouvelle. Donc pour le coup, on change absolument pas d'univers, ben on change d'univers pardon, mais on change pas de traitement de l'histoire, avec toujours ce côté où finalement il y a que la destruction qui pourra permettre de repartir d'un bon pied et d'oublier ce qui a pu être fait avant quoi. Donc je sais pas qui l'a vu, Metropolis. Hein. Je l'ai vu, mais j'ai quasiment aucun souvenir de ce film. Faudrait que je le revoie. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas eu l'occasion non plus. Pas du tout vu, non. Alors je vous conseille vraiment de le voir, parce que d'une part, il est encore aujourd'hui très joli. Hein. Je me souviens l'avoir vu, c'était l'année dernière d'ailleurs. Il garde une patte très très très fraîche, je trouve, avec des couleurs. Des couleurs chaudes au niveau des personnages, il y a vraiment un spectre, en tout cas un spectre au niveau des couleurs qui est très très important, et qui voit vraiment un monde bariolé, limite parfois trop dense au niveau de ce qu'on voit à l'image, avec une utilisation de la 3D qui est plutôt bien faite, hein, c'est un film en 2D, mais il y a aussi un peu de 3D qui est vraiment plutôt bien rendu. Et donc voilà, avec une ambiance aussi très jazzy, ça fait un peu penser au film noir américain des années 60-70, avec cette musique là qui importe en plus cette ambiance, qui renforce cette ambiance là. C'est parfois un petit peu long, je l'avouerais bien volontiers, mais finalement la fin est la fin est pas forcément pessimiste, parce que je vous laisserai découvrir pourquoi, mais en tout cas ça reste une bonne expérience, un bon film d'animation encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est une adaptation du film de Westland, ou non, en fait c'est une adaptation d'un manga de Tezuka, donc il n'a rien à voir avec le film. Non, il y a de Fritz Lang. Non, il y a pas. Alors, pour le coup, j'ai pas vu le film de Fritz Lang, mais en tout cas, alors il y a peut-être un rapport entre le manga et le film, mais il me semble qu'il y a pas de rapport, bon, mis à part par le biais du manga évidemment, entre les deux films, entre le film d'animation et le film de Fritz Lang. Juste pour l'info, Tetsuka en fait avait dessiné trois histoires, c'est trois tomes. Il y a en fait un tome qui se passe à la préhistoire, un tome qui se passe aujourd'hui, et un tome qui se passe dans le futur, hein, et donc notamment le tome qui se passe dans le futur, c'est Metropolis, hein, de mémoire. Alors, je dis peut-être une bêtise à confirmer, mais voilà, c'était un peu ce cheminement-là qu'avait fait Tezuka parmi sa très très longue œuvre. Alors on va passer à 2004 avec la sortie de Steam Boy. Le fameux à plusieurs titres, parce qu'en fait Steam Boy, faut savoir que c'est un projet qui date de 10 ans, c'est-à-dire qu'il est sorti en 2004, mais lui on avait l'idée, d'ailleurs on en voit un peu les prémices déjà dans Chair à canon, Parce que c'est vrai qu'à Nantes, on se situe déjà dans une ambiance steampunk avec énormément d'effets de fumée à l'écran. Et en fait, faut savoir que Tezuka, pardon, que Otomo, pardon, a eu énormément de difficultés à trouver des producteurs et un financement adéquat et suffisamment important pour aller au bout de son film, au bout de son idée. Alors, le budget, hein, là encore, sans aucune comparaison avec ce qui peut se faire du côté des États-Unis, puisqu'on atteint ici uniquement, entre guillemets, évidemment, 20 millions de dollars, ce qui est déjà assez important, mais qui peut paraître dérisoire par rapport à d'autres productions. Alors, Steam Boy, pour résumer, on va suivre notamment un jeune garçon qui s'appelle Restim et qui fait partie d'une famille qui a énormément travaillé sur la machinerie. Alors, ça se déroule pendant la révolution industrielle en Angleterre, donc la révolution industrielle donc ça se passe au 19e siècle, pardon, et pendant la notamment il y a un événement majeur qui se déroule à cette époque-là, notamment à Londres, puisque c'est l'exposition universelle, hein, qui a lieu en même temps que ne commence l'intrigue. Pour le coup, alors, Restim, le héros de l'histoire que l'on va suivre tout le long du film, fait partie d'une famille qui a énormément travaillé sur les innovations dans le domaine de l'utilisation de la vapeur dans tout type notamment au niveau des moteurs, au niveau des objets entre guillemets du quotidien, que ça va de la machine pour faire un peu de sport aux chiens, en passant par une énorme tour qui confine toute la technologie qu'ils ont pu créer. Et donc on va découvrir évidemment que cette technologie-là va être mise en avant pour l'utilisation d'armes, et ça va donner lieu à une séquence assez intéressante, dans le sens où les adversaires, les uns et les autres, en fait, vont monter en puissance par rapport au matériel qui va être dévoilé. C'est-à-dire qu'on commence avec des hommes en armure, dotés d'un moteur pour renforcer leur puissance, et ça va finir avec des hommes volants et des tanks, des sous-marins, avec plus ou moins de succès, évidemment. Mais voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Donc, ce qui se passe, en fait, l'intrigue va commencer quand le grand-père de Rêve a lui envoyé par la poste un espèce d'objet qui semble créer de la vapeur en continu sans problème, mais en tout cas gérer de la vapeur à très haute pression, ce qui était le problème à l'époque pour faire fonctionner les objets de façon durable. Et derrière cela, en fait, l'organisation qui avait financé son père et son grand-père aux États-Unis va vouloir absolument récupérer cet objet pour notamment l'exposition universelle, et pouvoir repartir et pour pouvoir présenter leurs dernières innovations. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous quand même vous laisser un peu la parole. Duntoun, tu as revu Steam Boy? Ouais, j'ai revu Steam Boy et le premier truc que j'ai à dire, c'est que techniquement, c'est hallucinant. Il y a ce mélange d'animation traditionnelle et enfin 2D traditionnel, etc., avec le numérique. Et il est assez oufissime techniquement, et c'est malheureusement, je veux pas être méchant, mais c'est vraiment sa principale qualité. Après, pour ce qui est du film en lui-même, j'adore les thèmes, j'adore l'univers, j'adore le côté Londres, steampunk, etc., qui est vraiment très bien retranscrit, pardon. Mais j'ai un problème avec la narration. Déjà, la fin, je la trouve vraiment trop longue. Oui. Il y a toute la dernière partie, est vraiment beaucoup trop longue. Le début aussi, j'ai du mal à comprendre certains passages, genre quand il se fait persécuter par les gamins du quartier. Enfin, il y a quelques choix Bah, après, c'est dans le juste pour film montrer que son je côté. trouve. Je pense que c'est plus pour montrer son côté solitaire que qu'autre chose. C'est plus pour souligner ce trait de caractère-là, quoi. Ouais, mais je trouve on le voyait déjà dans le fait qu'il soit dans un monde d'adultes, etc. Oui. Et ouais, il y a quelques scènes comme ça que Je vois pas trop l'intérêt. Après, j'aime beaucoup les personnages. J'aime bien le personnage de Scarlett et son évolution et son côté peste attachante que je trouve très réussi. Le grand-père aussi est excellent et Ray est vraiment vraiment intéressant aussi. Après, voilà, j'ai du mal avec la narration de ce film et je le trouve vraiment trop long. Il y a vraiment des grosses longueurs qui alourdissent le film. Mais malgré tout, ça reste quand même un film à voir. Ça reste une étape dans le cinéma japonais, notamment techniquement. Oui. Et puis cet univers-là qui est vraiment cool et on retrouve les thèmes habituels d'Otomo et dans une version modernisée, on va dire. Même si pour une fois c'est dans le passé et pas dans le futur. Mais il y a toujours ce côté robot, technologie, l'évolution de la technologie, de l'utilisation de qu'en font les hommes, etc. Qui est toujours super intéressant et le propos de Tomo là-dessus est toujours super intéressant et voilà, ça reste quand même un film à voir. Voilà. Tu l'as vu également, Chronos, hein? Oui, ouais, je l'ai vu je l'ai revu il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, donc ça commence à dater. Mais je suis un peu pareil que Mutoun, c'est-à-dire que techniquement, c'est vrai que c'est une bonne petite claque graphique. Bon, je pense que du coup, dans le contexte où il est sorti, quand il y avait beaucoup de choses à côté, ça sera moins culte que Akira, alors que pourtant, il y a des trucs assez fous, tous les effets de fumée avec les machines à vapeur, etc., c'est juste hallucinant. Ouais, l'eau aussi, le numérique apporte énormément. Ouais, ça aide sans trop trahir non plus l'esprit animation modèle, donc ce qui est cool. C'est ça. L'univers et tout, c'est vachement chouette, mais effectivement, au niveau de l'histoire, j'ai moins accroché, enfin, c'est vrai que c'est un peu long, surtout, effectivement, la fin, mais du temps un peu à terminer son histoire, c'est un petit peu longué, c'est un peu dommage, alors que pourtant, il y a vraiment des séquences, je trouve que la première moitié j'ai vraiment préféré la première moitié qui est vraiment top avec, ouais. Avec le fuite du gamin et toutes les scènes un peu d'action qui sont, ouais. Qui sont vraiment chouettes, quoi, jusqu'à, ouais, l'arrivée, jusqu'au retrouvailles, ouais, avec son père. Exactement, ouais. C'est la partie de là, c'est un petit peu long à revenir en fait, donc c'est un peu dommage. Surtout que c'est un peu redondant, tu sais, à chaque fois c'est un peu le même schéma, c'est la technologie, oui, mais la puissance, mais oui, mais pourquoi, enfin, oui, c'est ça. Et du coup, il répète plusieurs fois la même chose. C'est qu'en fait, constamment, et en fait, le gamin, on va le suivre, qui sera avec son père et son grand-père, et du coup. Chacun, plusieurs fois dans le film, en fait, va donner ses propres arguments pour pouvoir le convaincre de le rejoindre ou pas. Et du coup, il y a une sorte de jeu de ping-pong où d'un coup, il va avec son père, il y aura ça, il va avec son grand-père, il y aura ça, etc. Et c'est un petit peu lourd au bout d'un moment, jusqu'à la fin, qui, du coup, met un peu de temps à se finir, quoi. Oui. À part ça, le film est, enfin, il est quand même dans le haut du panier de ce qu'on a vu dans l'animation japonaise, donc. Pour le coup, c'est vraiment un défaut de l'histoire, quoi. Ouais, et puis les Japonais, ça montre aussi que les Japonais peuvent utiliser la 3D de façon, comment dire, ils peuvent s'en servir, oui, ouais. En montrant que c'est bien fait, quoi. Et, oui, de façon intelligente, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et parce notamment, je pense à la scène où ils arrivent en haut de la tour Steam et y a une espèce de rotation qui est fait en numérique et mais qui a un super rendu avec justement le reflet du soleil sur les vitres et tout. Ça se voit que c'est du numérique, mais ça reste de l'anime 2D. Enfin, voilà, ça reste. Ça joue pas, quoi. Voilà. Moi, il y avait une scène encore plus qui m'avait un peu plus impressionné, qui m'avait même pas mal impressionné, notamment quand tu parles de l'effet de rotation. C'est au tout début quand t'as les deux sbires de la Fondation qui viennent récupérer la bol. Comment ça s'appelle la boule Steam, je sais plus exactement quel est le nom, mais c'est juste, alors c'est un effet qui est, je vais le dire tout simple, non pas tout simple, mais en tout cas il n'y a pas un énorme angle au niveau de cette rotation là, mais c'est juste, je trouve que ça dynamise à mort le c'est clair, c'est clair. Tu parles du moment où ils sont dans la maison et exactement. Et il prend ouais. le couloir en fait et t'as une rotation dans le couloir où il évite le mec ouais. C'est fluide fou, en fait, ça fluidifie le truc. Ah, et juste pour terminer, je trouve qu'il y a quand même un message un peu plus optimiste sur la fin, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il veut montrer que bah, c'est les enfants qui eux s'amusent finalement de ce qui s'est passé en voyant l'objet volant sur lequel sont Ray et Scarlett. Et du coup, on a l'impression qu'il veut faire, qu'il veut montrer que finalement les enfants eux vont avoir un regard plus innocent et peut-être moins moins porté sur la destruction et sur la guerre que ne peuvent le faire leurs aînés. C'est exactement ça, et je pense que c'est via le prisme de Scarlett en fait qu'on s'en rend compte, et dès le début, parce que justement elle a ce côté très peste, très exécrable et tout, tout lui est dû, et oui, et voilà, elle est pourrie gâtée, tout le monde l'appelle mademoiselle, etc. Mais elle a quand même ce regard d'enfant sur ouais. Sur l'expo universelle et sur quand il y a le début de la grosse baston et tout, et qu'elle part en plein milieu du bombardement, retrouverait, etc. Il y a cette espèce d'innocence qui fait que même si elle a toujours vécu dans l'opulence et qu'on pourrait croire que elle en a rien à foutre du monde, non, elle a cette vision là proche de celle de Ray qui lui a vécu à l'opposé, et voilà, et ils se rejoignent là-dessus, et je pense c'est exactement ce que t'as dit en fait, c'est les enfants, la vision d'espoir, et c'est marqué justement par ce personnage de Scarlett, à mon avis. Quelque chose à rajouter sur Steam Boy? Non, ça va. Faut savoir qu'il y a une suite qui avait été prévue à l'origine, sur le Steam Boy 2, où Scarlett aurait été finalement l'héroïne. Alors pour le coup, ça n'a pas forcément donné suite, et on n'en a pas eu de nouvelles plus que ça aujourd'hui encore. Mais bon, pourquoi pas un jour, sous une autre forme, sait-on jamais. C'est prévu que Otomo réalise la suite ou... Ah, je sais pas exactement, c'était plus sur l'ordre de la rumeur que du ouais. que du projet réellement lancé, quoi. Donc, pour le coup, okay. ça s'est terminé assez rapidement. Alors, on va passer rapidement sur 2006, juste pour... ah oui, alors, 2004, pardon, sur Steam Boy, il était réalisateur, scénariste et character designer, donc il était un peu partout. 2006, il retourne au film live, puisqu'il réalise une version live de Mushishi. Alors Mushishi, c'est un manga qui est sorti aux éditions Kana, pardon, c'est aussi une version animée, où on suit en fait une espèce de docteur contre les esprits de la forêt, et qui doit à chaque épisode trouver comment soigner le mal dont sont touchées les personnes. Voilà. La même année, alors il va participer il sera character designer sur une série qui s'appelle Freedom. Alors Freedom, c'est une série en 3D où on suit en fait ça se passe dans le futur où la Terre est inhabitable, et donc les personnes doivent vivre en fait sur la face cachée de la Lune. Et pour s'occuper, les enfants en fait organisent des sortes de cours des courses de pods avant d'atteindre leur majorité, en tout cas à la fin de leur apprentissage à 15 ans. Et alors au-delà, alors moi j'avais vu la série qui était plutôt de bonne facture dans une 3D, toujours un peu toujours cet effet d'apesanteur à cette période-là de la part des Japonais dans leur gestion de la 3D. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait c'est une œuvre de commande de la part d'une multinationale japonaise qui s'appelle Nissin Food, qui fabrique des ramen. Et en fait, tout le long de la série, pour le coup, j'avais pas forcément fait attention quand je l'ai vu, mais tout le long de la série, on voit les personnages manger des ramen. Donc c'est assez étonnant de retrouver Otomo sur un projet, d'animation de cet acabit-là. Pour finir, et là je laisserai la parole à Tuntun, puisqu'en 2013, on a retrouvé Katsuhiro Otomo, encore une fois, dans un omnibus, hein, puisqu'il a participé à l'omnibus Short Piece, notamment en s'occupant de la réalisation du segment combustible. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Tonton? Short Piece, comme tu l'as dit, c'est un omnibus avec initié par Otomo, avec des parties. Donc combustible réalisé par Otomo, mais avec aussi des parties scénarisées. Je pense notamment à j'ai perdu son nom, Buki Yosolaba, qui est alors c'est oui ah j'ai perdu son nom anglais, c'est vrai, tant pis, mais qui est adapté d'un manga, enfin d'une histoire courte qu'il a réalisée en BD il y a de nombreuses années. Alors pour ce qui est de combustible, la réalisation d'Otomo, mais globalement en fait sur Short Piece, techniquement je le trouve pas incroyable. Il y a toujours ce mélange tradi et numérique qui est plutôt bien fait. Par contre, on a l'impression quand même que techniquement c'est, enfin, et au niveau du budget, ils ont pas eu ce qui exactement, enfin ce qu'ils auraient voulu, ou voilà. Et pour ce qui est de combustible, le cours d'Otomo, il est très sympa. Il y a une gestion du temps qui est plutôt très bien foutu, que j'aime beaucoup et qui est pas évidente à appréhender au début, mais qui est vraiment très intéressante. Après, ça reste un cours de ce qui, par rapport à ce qu'il a pu réaliser avant, c'est quand même de moins grande envergure et c'est assez éloigné de ses thèmes habituels. Mais malgré tout, ça se regarde très bien. Après, dans les autres courts-métrages, pardon, il y a des trucs assez intéressants aussi. Il y en a un notamment, c'est Tsukumo qui est réalisé par Shuhei Morita et dont le concept designer est Keisuke Kishi. Qui, si je dis pas de bêtises, est le réalisateur de Redline. Ah oui. Il me semble que c'est lui. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est lui. Et du coup, il a été nommé et techniquement, il est assez intéressant parce que, enfin, stylistiquement, il est assez intéressant parce qu'il y a un côté cel shading en fait très jeu vidéo qui est pas toujours réussi techniquement. Mais qui est assez joli et qui va bien avec l'histoire du truc où c'est, donc c'est un homme à tout faire qui se retrouve dans la montagne et qui s'abrite une nuit de pluie dans un tout petit temple. Et en fait, il va se retrouver dans une espèce de monde parallèle où il va faire profiter de ses services. Notamment à des yokai et qui va être récompensé le lendemain matin alors qu'il avait rien demandé. Et c'est plutôt la tendance de l'omnibus, c'est que il y a ce côté entraide. C'est pareil dans Gambo, un autre où c'est un ours polaire en plein milieu du Japon qui, dans un truc un peu fantasy, même très fantasy, qui va sauver une jeune fille d'un troll qui enlève toutes les filles de la région. Et en fait, c'est parce que elle lui a demandé à l'aide alors que lui, il était chassé par les autres villageois. Et donc, il y a un côté comme ça, entraide et je demande rien en retour, je viens t'aider, mais qui est assez sympa, en tout cas sur ces deux-là. Et pour finir, sur le cours le plus marquant, je trouve, c'est Buki Yosolaba. Ah, je vais pas y arriver. Buki Yosolaba. Donc je vais retrouver le, le nom anglais d'ici la fin, qui est en fait c'est dans un futur post-apo en fait, en guerre, où il y a deux nations en guerre dans un espèce de désert avec des hommes dans des combinaisons ultra équipés, etc., qui se retrouvent en pleine bataille urbaine, mais dans une ville totalement désertée, avec un robot qui paraît indestructible. Et la mise en scène est incroyable. Alors c'est pareil, il y a des techniquement il y a quelques petits défauts sur des textures et tout, mais il y a quand même une bonne intégration du numérique et c'est ce qui se rapproche le plus des thèmes d'un des thèmes favoris d'Otomo. D'ailleurs c'est une nouvelle à la base d'Otomo et le la fin que je vais pas vous dévoiler mais qui est assez assez étonnante qui est comment dire qui est pessimiste et optimiste en même temps et en tout cas voilà qui est tout sauf manichéenne et qui est extrêmement bien amené que je trouve vraiment très réussi. Et ce côté militaire du futur avec les combinaisons et tout contre le robot dans le désert, il y a un côté un peu Metal Gear Solid qui est assez assez bien foutu et en plus le cours est très bien réalisé donc voilà, c'est globalement un super omnibus. C'est alors techniquement qui est un peu en deçà de ce qu'on a pu voir précédemment sur ce genre de travaux mais qui méritait un meilleur traitement que une sortie en jeu vidéo en Occident, et qui fait que à part les possesseurs de PS3 initiés, personne ne peut le lire, et je trouve ça vraiment dommage. Très bien, en tout cas merci pour ce Farewell to Weapons. Parfait. Farewell, non. C'est nickel. Du coup, merci en tout cas d'avoir de ce petit aperçu de l'ensemble des moyens métrages de Short Piece qui ne sont pas encore sortis en France, en tout cas. Il est sorti en fait par Namco Bandai Namco, je sais plus l'ordre, mais en jeu vidéo, parce qu'en fait il y a la dernière partie de l'omnibus en fait est un jeu vidéo réalisé par Suda 51. Voilà, Goichi Suda. Suda Goichi, pardon. Et qui du coup il a été sorti en jeu chez nous en boîte, et en fait dans la boîte se trouvent toutes les parties de l'omnibus. Mais du coup voilà, on peut le voir que de cette façon et je trouve ça vraiment regrettable. Parfait. Bah, je pense que c'est vraiment la dernière œuvre sur laquelle a travaillé pour le moment Otomo en ce qui concerne l'animation. On a pu voir quand même qu'il y a un panel assez important, en plus de son, évidemment on n'a pas évoqué le manga, le manga et ouais. Son travail d'illustration aussi dans la pub. Tout à fait. Qui est extrêmement important, enfin dans la pub, dans les affiches, et son travail d'illustration globalement et qui est aussi très important. Plus jeune, il a aussi été réalisateur de pub en fait, hein. Donc c'est assez marrant de le retrouver. De le retrouver dans vraiment des domaines d'activité ma foi assez différents, même s'il y a entre eux évidemment, mais on a pu voir quand même qu'il y a eu un, alors on peut pas forcément dire un glissement, mais une évolution en tout cas au niveau de son thème de la destruction vers quelque chose d'un peu plus atténué quand même, ce qui n'empêche pas évidemment de faire toujours passer des messages, même si peut-être de façon moins forte que ça pouvait être le cas sur Akira. En tout cas on espère qu'on pourra toujours retrouver, alors si ce n'est lui, on sait aussi qu'il a beaucoup travaillé avec d'autres réalisateurs. On parlait de Rintaro, on parlait également de Feu Satoshi Kon, où il a quand même poussé pas mal de réalisateurs sur des œuvres assez importantes, hein. On évoquait tout à l'heure Perfect Blue de Rintaro entre autres, donc c'est ça fait partie quand même des pans des personnages importants de l'animation au Japon sur ces 20 voire 30 dernières années. Je pense qu'on peut dire de l'animation au Japon, mais on peut dire aussi de l'animation mondiale et de la BD mondiale. Ah oui, absolument. Et globalement, enfin ça, faut que j'arrête de dire globalement, c'est assez chiant. C'est un artiste ultra complet et clairement qui a influencé en tout cas une grosse vague d'artistes qu'on retrouve aujourd'hui en France, aux États-Unis et au Japon. Exactement. Chronos, quelque chose à rajouter ? Bah ouais, c'est juste pour savoir du coup, est-ce que vous savez s'il a des projets en attente, en prévision, ou si du coup il reste à faire des illustrations, quelque chose comme ça. Pour le coup, j'ai pas trouvé l'info. Il y a toujours une rumeur, enfin pas une rumeur, mais on sait qu'il a en projet depuis longtemps de reprendre, de reprendre une série. Qui est en projet depuis très longtemps et qui est repoussé un peu chaque année. Il a sorti un Brutus, je crois, il y a pas longtemps, l'année dernière peut-être. On en avait parlé c'était dans le bimestriel, je crois. Non, ou c'était dans Celluloid. J'en avais reparlé, il me semble. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Il est assez secret sur ses projets, et puis vu que Short Piece est sorti il y a un an et demi maintenant, je pense qu'au niveau animation, ça va pas être tout de suite. Il dessine plus beaucoup de toute façon, hein. C'est, on va dire, quand il est dans la réalisation, évidemment, j'imagine qu'il travaille là-dessus, évidemment, et aussi, mais il est quand même en retrait par rapport au dessin, même s'il dessine. Il continue à faire beaucoup d'illustrations, en fait, mais c'est des illustrations qu'on voit pas, et parce que c'est pour le Japon, c'est pour des pubs, c'est pour des trucs comme ça. Après, il y a des artbooks, il y a le poster notamment qui réunit des illustrations. Et qui sont disponibles jusqu'aux États-Unis, il me semble. Mais oui, c'est vrai que nous, on a pas grand-chose, quoi. Ce serait pas à lui de dessiner la prochaine affiche du Festival d'Angoulême. Si, c'est lui. On espère qu'il va le faire. Moi, je pense qu'il va le faire. Bah, comme ça a pu être fait pour l'auteur de Calvin et Hobbes. Bill Watterson, qui est pas venu pour le festival, mais qui a quand même dessiné l'affiche et qui a participé à l'élaboration de l'expo sur Calvin et Hobbes. Moi, j'espère énormément qu'on va avoir droit à l'expo qu'il y a eu il y a quelques temps sur Otomo et Akira notamment au Japon, et qui avait l'air magnifique, avec une scénographie incroyable. J'espère qu'on va y avoir droit l'année prochaine pour le festival. Ce serait assez cool. Et ça serait cool qu'il soit là aussi pour présider le jury l'année prochaine et avoir des conférences avec lui, parce que c'est quelqu'un de super intéressant et qui est bien trop rare, malheureusement, et voilà. Alors, deux choses, j'en ai déjà parlé à Toon, mais la première, c'est que je t'ai dégoûté parce qu'il est passé à Rennes en 99, t'imagines, à Rennes. j'ai l'interview dans un Anime Land que tu m'as passé. Tout à fait, et donc quand j'avais lu ça, j'ai fait waouh. Deuxième chose, je suis assez content parce que j'avais récupéré des affiches, des couvertures d'Akira. J'ai deux affiches qui reprennent, je sais plus exactement quel tome, mais qui sont assez classe, et je suis pas sûr de les voir beaucoup, donc je suis assez content d'avoir eu le nez fin de les avoir achetés à cette époque-là. Ça se trouve toujours. Hein, oui, mais elles sont assez cool, quoi. Il y a notamment une où on voit, alors c'est pas Tetsuo, c'est le copain de Tetsuo là, qui a la moto rouge, Kaneda, merci, et qui pointe avec son arme le lecteur, donc c'est assez, en tout cas la personne qui regarde l'affiche, donc c'est assez bien fait. Et donc voilà, c'est juste pour ça, pour mon estime personnelle à moi. Il y a un truc que je voulais rajouter. Ouais. J'ai lu ça cet après-midi dans une sympathique interview du directeur éditorial de chez Glénat sur le site de Parcours.fr. Je fais un peu de pub parce que j'ai vu l'interview tout à l'heure et ça m'a bien plu. Qui disait que, en fait, parce que notamment quand j'ai su que Otomo avait été désigné grand prix du festival d'Angoulême, j'ai tweeté un petit tweet sarcastique en disant que ça serait bien que Glénat réédite les Akira, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses à éditer aussi, mais... Parasite, pardon. Non, je parlais du côté d'Otomo parce qu'il y a ah oui pardon excuse-moi oui, et Parasite veux... aussi hein, c'est une oui. bonne et en fait j'ai appris que en fait c'est que ça faisait pas mal de temps qu'ils avaient fait la demande qui avait été refusée et que là directement en apprenant la nouvelle ils ont refait une demande et que ils espèrent que ils vont avoir des suites et ça serait cool parce que Akira, l'édition, elle date de 90 ou quelque chose comme ça. L'édition qu'on a actuellement. Et ça serait bien que ça soit réédité. Et qu'il y ait les autres œuvres d'Otomo qui soient rééditées aussi. Parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses. Et donc voilà, ça serait cool. Et j'espère que Glénat. Je ne me souviens plus, mais. Mais l'édition couleur d'Akira, c'est l'édition originale, enfin, c'est été fait en couleur au départ, ou c'est en noir et blanc? Non, il me semble que la première est en noir et blanc. Oui, tout à fait. Et qu'ils ont D'accord. fait une édition okay. couleur par la suite. La première, ce sont des gros tomes. Des gros tomes. Oui, oui, ça va, oui. En fait, il y a 6 tomes. 6 gros tomes. Ils ont fait pas mal de choses ensuite. Ils ont fait des animes comics aussi, hélas. Ils ont fait des éditions couleurs, mais sur des petits. Ça fait plus fascicule que livre, en fait, puisque c'est. Quoi qu'ils ont fait des choses en couverture. Je dis bêtises, pardon. Ils ont fait des choses en couverture, en hardcover, comme on dit. Mais c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de choses, un peu comme Dragon Ball. Ils avaient sorti ça en différents formats, et ils le sortent toujours en différents formats aujourd'hui encore. Mais là, apparemment, donc le fait qu'il n'y ait pas de réédition, c'est parce que ils ont pas l'autorisation. Ils n'ont pas les droits. Ils ont les droits d'exploiter ce qu'ils ont déjà, mais pas de rééditer. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même de ce dossier assez, assez imposant finalement. Voilà, je pense qu'on a terminé pour cette deuxième émission de Celluloid. Je vais vous dire donc à Tonton et à Chronos à bientôt, à très vite surtout. Pas à nos auditeurs. Et à nos auditeurs. Je garde le meilleur pour la fin. Je garde le meilleur pour la sauce sur le gâteau. Évidemment, les auditeurs aussi. Hein, surtout si vous voulez réagir, n'hésitez pas à passer par notre Twitter @lesinterdupod. Nous sommes écoutables et visibles sur PodCloud, sur Pod Radio également. Évidemment, directement sur notre site podcastination.fr.wordpress.com. Et on espère, on croise les doigts pour qu'on vous mette en place un flux iTunes, un flux RSS, et notamment qui nous permettra notamment d'avoir une belle visibilité sur iTunes assez rapidement, parce que j'ai eu les, on m'a aidé par rapport à ça à tout déchiffrer, on va dire. Merci à Inks notamment, et qui merci a pris à son Fox temps. Aussi. Et merci à Fox évidemment toujours pour les voix, pour les réglages voix qui sont toujours importants. Merci à la collection de Chronos d'avoir tenu. Ce soir, il y a pas de quoi. Robot Chronos, voilà. C'est le début de la fin, c'est la prophétie de Tomo qui se réalise. C'est ça. Merci Orange hein, pour votre connexion de merde. Donc voilà pour les remerciements, et on vous dit évidemment à la prochaine, avec toujours plus d'animation, plus de coups de cœur, mais aussi des coups de gueule, et plus de dossiers évidemment qui vous intéresseront, je l'espère. Je vous dis à bientôt, au revoir. Salut. Salut.